Bon, bah, bonjour à tout le monde, que j'ai déjà dit à chacun. Tout d'abord, je vous rappelle que là, vous avez goûté, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le café du Chiapas, qui est en vente, et Marc vous expliquera pourquoi, comment ça fonctionne, etc., pour les mecs qui produisent du café là-bas. Et on peut le commander aussi à Marseille. Bien que jusqu'à présent, c'était du bricolage, j'allais chercher à Toulouse ou à Paris, mais peut-être que le comité Chiapas de Marseille va pouvoir nous faire ça. Donc le sujet, vous le connaissez, puisque vous êtes tous venus. Marc est un copain, ça fait 30 ans en plus, pour vous, on s'est connu. Et donc, il est venu avec des bouquins qui sont là sur la table, que vous pourrez voir acheter éventuellement tout à l'heure, un qui était l'insomniaque, l'autre de la Nautilus, et un calendrier qui est le calendrier de l'année 2005. Et comme l'année 2005 est entamée, il est vendu 7 euros au lieu de 8. Chaque mois, ça verra 1 euro. Donc, vous pouvez considérer qu'en octobre ou novembre, ça va finir. Bon, on va peut-être faire une intro pour présenter la cassette avant de démarrer. Oui. Bon, d'une part, la première chose, c'est que je remercie le CIRA de m'avoir invité. Je ne peux que confirmer ce que vient de dire Gilbert, on se connaît depuis longtemps. En revanche, ce sera peut-être l'occasion de partager maintenant, c'est l'expérience que je peux avoir depuis maintenant l'année 96 du Mexique et précisément de la région du Chiapas et de ce qui s'y passe. C'est donc à cette invitation que je suis venu pour essayer de discuter sur le mouvement indien et paysan qui a fait éruption le 1er janvier 1994 sous le nom d'Armée Zapatiste de Libération Nationale. Donc, comme j'étais venu il y a une quinzaine d'années à Marseille pour participer à une rencontre sur un tout autre sujet, savoir sur un écrivain suédois et libertaire qui s'appelait Stig Dagerman, j'ai trouvé une citation de Dagerman que je vais juste lire, elle est brève. « Où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté en dehors des formes figées de la société ?» Voilà, c'est une question. Et c'était, et Dagerman écrivait ça dans une longue lettre qui a été publiée sous le titre « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Donc je trouvais que ça faisait le lien pour moi entre Marseille il y a 15 ans et aujourd'hui. La vidéo qu'on va regarder, avant de parler, d'entrer plus précisément dans l'histoire des zapatistes, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas récente, elle me paraît être assez instructive, à la limite elle est presque trop pédagogique, mais elle retrace bien les origines du mouvement et les premières années de son apparition. Elle a été réalisée par un documentariste, comme on dit, de Bruxelles, qui avait fait déjà un film sur un village tzotzil qui s'appelle Chronique d'un village tzotzil, qu'il avait réalisé quelques années auparavant, et ce qui lui avait donné des contacts à Saint-Cristobal et dans des villages indiens du Chiapas. Et donc il est retourné en 96 et on s'y est en fait retrouvé, puisqu'il a participé à... Il y a un certain nombre de choses qui sont filmées à la rencontre intergalactique contre le néolibéralisme et pour l'humanité. Voilà, donc c'est grosso modo les trois premières années de l'apparition de ce mouvement et des interventions sur son origine. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Ensuite, moi je peux reprendre la parole après la vidéo et donner certains éléments. Ici, il y a plusieurs amis qui connaissent au moins aussi bien que moi le sujet, la question, qui sont allés là-bas, même plusieurs fois, voire qui ont écrit dessus, donc ils peuvent tout à fait intervenir avec plaisir. Voilà. C'était intéressant, si vous voulez voir la cassette, vous passez plutôt par là-bas, dans votre sens, parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Hein. C'est dans votre dos. Le Chiapas est l'un des états les plus riches du Mexique, grâce à ses ressources naturelles, son sous-sol, sa production d'énergie hydroélectrique. Les habitants du Chiapas sont parmi les plus démunis du Mexique. Près d'un million d'Indiens, d'origine maya, y vivent, y survivent complètement marginalisés. Main-d'œuvre servile pour les métis, ou cultivateurs obligés de vendre à bas prix leur maigre récolte. Donc ce film, ce documentaire a à peu près 8 ans, bientôt 9 ans. Et c'est vrai que les témoignages sur lesquels il se termine, ça a été les deux années, toute l'année 97 et l'année 98, ça a vraiment été les années de guerre dite de basse intensité les plus fortes jusqu'à maintenant. Quoi. Avec, bon, 97, ça s'est terminé avec le massacre d'Acteal, au mois de décembre. Et 98, ça a été la tentative la plus systématique de la part des paramilitaires armés, entraînés, financés par les pouvoirs en place, pour de détruire d'attaquer des communes autonomes. Mais bon, il y a eu échec de toutes ces tentatives. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui la situation soit calme. Mais en tout cas, cet aspect-là est moins voyant. Les paramilitaires n'ont pas été dissous. L'armée mexicaine continue d'occuper le Chiapas. On peut considérer qu'il y a un tiers des effectifs militaires qui stationnent, mexicains qui stationnent au Chiapas, autour de 70 000 hommes. Il y a eu quelques déplacements importants de campements militaires à la fin de l'année 2000 et début 2001 encore, après l'élection d'un président qui était le premier élu non membre du PRI, Parti Révolutionnaire Institutionnel, qui a dirigé le Mexique pendant 71 ans, de 1929 à 2000. Donc un certain Fox, membre du PAN, vaut guère mieux, mais qui au moins n'était pas parti au pouvoir, a cédé à certaines des demandes des zapatistes, puisqu'il s'était engagé à régler la question du Chiapas dans sa campagne électorale. Il pouvait même la régler en un quart d'heure. Donc il y a eu quelques déplacements de campements militaires. Les plus gênants pour les zapatistes, ou au moins pour les lieux qu'ils ont construits, on en voit un. On voit la construction de ce qu'ils appelaient à ce moment-là Aguascalientes, c'est Ludoventic. Il y en a cinq. Ça a changé de nom, ça s'appelle maintenant les Caracoles. Et à chaque fois, chacun de ces lieux avait un campement militaire à vraiment, parfois en face, quoi, quelques kilomètres. Enfin, il y en a ici qui sont allés vu tout ça, autant que moi. Et donc il y a eu quelques changements comme ça, mais il y a eu aussi l'élection d'un nouveau gouverneur, toujours en 2000, au Chiapas, qui lui non plus n'est pas membre du PRI. Qui a même été élu avec le soutien de toutes les forces politiques mexicaines contre le PRI, c'est-à-dire la droite, la gauche et tout ce qu'on peut imaginer comme parti existant, ont soutenu ce candidat qui est gouverneur donc depuis fin 2000, depuis décembre 2000, et qui maintient une espèce de modus vivendi. Avec les zapatistes. Donc l'événement le plus important depuis ce film, enfin, il y en a eu plusieurs, mais les deux les plus marquants, ça a été le début de l'année 2001, où 24, ce qu'ils appellent commandants, on en voit un certain nombre là dans le film, on voit CBDO, on voit David, donc 24 d'entre eux sont sortis Chiapas en caravane et sont allés jusqu'à la capitale. Le voyage a duré 2 semaines. Il y avait des haltes plusieurs fois par jour et ça a touché des centaines de milliers de personnes. C'était toute une caravane avec y compris une partie internationale. Pas mal d'Italiens, entre autres, qui ont participé à ça, et des internationaux de partout en général. Et au milieu de ce parcours, il y a eu le troisième congrès national indigène. Ce qui est important, c'est de comprendre que le mouvement zapatiste n'est pas, non seulement il n'est pas réduit au Chiapas, mais il n'est pas complètement isolé, heureusement. Et entre autres, il a trouvé, à travers le reste du Mexique, une correspondance dans les autres peuples indiens du Mexique, qui forment à peu près, ça fait plus de 10 millions d'hommes et de femmes sur 100 millions, grosso modo 100 millions de Mexicains. Et en général, quand on parle des communautés indiennes, on parle des communautés rurales et de celles qui pratiquent encore leur langue. Rien que sur le Chiapas, il y a une douzaine de langues indiennes. Donc sur le Mexique, c'est plus de 50 langues qui sont encore pratiquées. Donc il y a eu tout ce mouvement s'est petit à petit, à partir de l'apparition, de l'irruption zapatiste, ça a été comme un réveil de tout ce mouvement-là, même s'il y avait déjà eu d'autres mouvements importants, entre autres dans les états de Oaxaca et du Guerrero. Et il y a eu un forum indigène qui a débouché sur un congrès national indigène. Donc le troisième de ces congrès a eu lieu pendant cette caravane à Murillo, c'est un état qui s'appelle Michoacán. Et là, il y a eu plusieurs milliers de délégués, hommes et femmes, de l'Institut du Nord comme du Sud, qui se sont retrouvés sur marcher avec les 24 délégués zapatistes jusqu'à la capitale, de façon à demander la reconnaissance des droits et cultures des peuples indiens du Mexique, sur la base d'un accord qui avait été signé en 96, donc, en février 96, entre les représentants du gouvernement mexicain et les représentants zapatistes, après plusieurs mois de dialogue auquel avaient participé beaucoup de ce qu'ils ont appelé des assesseurs, qui m'ont invité à participer à des groupes de travail, des commissions, de dialogue. Ça a été quelque chose de très important, d'où sont sortis ces accords. Ils ont été signés, mais jamais appliqués. Donc en 2001, ils en étaient encore à demander l'application des accords dits de San Andrés, ces mois de dialogue s'étant passé dans le village de San Andrés, à côté de Ventic, à côté d'un des cinq Aguascalientes, aujourd'hui Caracoles, donc pas loin de San Cristobal et dans la zone des Altos, des hautes terres du Chiapas. Ils sont allés, et donc cette marche qui s'appelait la marche de la dignité indigène et aussi la marche de la couleur de la terre est arrivée à Mexico. Il y a eu la grande place de Mexico a été remplie par plusieurs centaines de milliers de personnes qui les attendaient, qui les accueillaient. Et après encore à peu près deux semaines à Mexico, finalement une délégation a eu l'autorisation d'intervenir devant les députés, devant le Congrès, c'est-à-dire le Parlement, la réunion du Parlement et du Sénat mexicain, pour demander l'application de ces accords, une proposition de loi ayant été faite dès 1996 par un groupe de parlementaires pour la concorde et la paix. Voilà, et le résultat, il a été. Ils sont repartis après être intervenus devant le Parlement, aussi bien des zapatistes que des membres du Congrès indigène. Tout le monde est reparti dans ces montagnes, dans ces villages. Et à la fin du mois d'avril, les parlementaires ont voté un texte de loi complètement vidé de sa substance, qui a été donc le motif de la rupture totale de tout dialogue, de toute négociation, de toute relation entre le gouvernement mexicain et les rebelles zapatistes, et y compris pour beaucoup autres peuples représentés dans le Congrès national indigène. Donc ça, c'est le printemps 2001, rupture du dialogue. Et ensuite, il y a un long temps de silence. Et enfin, on arrive à l'été 2003 et à la situation qu'on connaît aujourd'hui, qui est, par rapport à tout ce qui est montré là dans ce documentaire, la situation actuelle, c'est qu'ils ont décidé de mettre en place, de créer par eux-mêmes ce qu'à l'époque ils demandaient encore. c'est-à-dire que cette fameuse autonomie, qui n'est pas une séparation territoriale, comme ça, il ne s'agit pas de sortir du cadre du Mexique, mais de pouvoir y exercer leur autonomie sur la base de leur culture, de leur langue, de leur histoire, en tant que peuple indien. Et donc cette autonomie qui n'aura pas été reconnue par la Constitution, par la loi, ils la mettent en pratique directement. Donc aujourd'hui, depuis août 2003, depuis la transformation des cinq centres de coordination et d'accueil civil, où il n'y a pas d'armes, créés au départ sous le nom d'Aguascalientes, justement pour accueillir la rencontre de 96, ils se sont transformés en caracoles, en spirale si on veut, et en restant des centres de coordination et dans laquelle se sont installés ce qu'ils ont appelé juntas de buen gobierno, qu'on traduit en général par conseil de bon gouvernement. Ce qu'il faut savoir, pour des libertaires, ça peut étonner le fait de les voir créer leur gouvernement au pluriel, c'est que la conception du gouvernement qu'ont les apatistes, qui ne sont pas anarchistes, c'est pas une nouvelle, hein, mais la conception qu'ils ont, elle est assez originale, puisque ces conseils fonctionnent sur la base de la rotation. Et la participation des délégués à ces conseils dits de bon gouvernement, souvent eux-mêmes disent aussi d'auto-gouvernement, la conception de la rotation qu'ils ont, elle est hebdomadaire. On peut s'imaginer que chaque semaine, il y a un changement. On voit ce que ça peut signifier. Donc ça, c'est le... Et bon, de quoi il s'agit... Alors, c'est les délégués de ces conseils, il s'agit de cinq régions, cinq zones, et les délégués sont eux-mêmes, proviennent des communes. Les communes... ont créé eux-mêmes, ils les ont créés pour la plupart dès un an après l'insurrection, un an après le soulèvement, donc dès décembre 1994. Elles existent toujours, car elles ont maintenant plus de 10 ans d'existence, et elles fonctionnent et elles gèrent elles-mêmes vraiment ce qui est le plus important pour les communautés rurales. Donc il y a évidemment les questions agricoles, ça veut dire qu'il y a des coopératives, entre autres de production du café. Gilbert parlait du café d'Apatiste qui est diffusé en Europe, c'est bien d'une de ces coopératives. Mais aussi, ils ont créé leur propre système d'éducation. Donc la base de ces communes en rébellion et en résistance et de ces conseils d'auto-gouvernement, c'est celle de ne rien accepter du gouvernement et du pouvoir en place. Rien. Évidemment pas d'argent, pas de soutien, etc. Donc ils ont créé leur système d'éducation, leur système de santé, leur système pour mettre ça au pluriel. Hein. Sur la base sur les bases régionales, entre autres linguistiques, historiques et tout ça. Et donc éducation, santé, coopérative agricole, coopérative d'artisanat, justice, ils ont leur propre instance, ils règlent leurs problèmes de justice, tant qu'ils peuvent le faire, parfois il y a des problèmes qui les dépassent. Il peut y avoir à ce moment-là des échanges avec les autorités officielles. Ce qu'il faut comprendre, que certaines communes ont la double, sont sous un double, sorte de double. Il y a la commune autonome, par exemple, San Andrés, justement, où ce dialogue a deux conseils. Il y a un conseil autonome et il y a un conseil légal, dont les membres sont d'ailleurs du PRI, ça veut dire qu'ils se croisent tous les jours. Et que parfois, il leur arrive de dire, il arrive aux membres du PRI de dire aux autonomes, bon, écoutez, occupez-vous de ça parce que nous, on n'y arrivera pas. Mais l'inverse peut se produire aussi. Donc c'est une situation un peu curieuse. pas évidente à expliquer, mais il est tout à fait possible d'y aller voir et pour essayer de comprendre un peu mieux comment ça se passe. Mais en tout cas, il y a petit à petit, et surtout depuis 2003 avec la création de ces cinq zones et de ces cinq conseils, la part prise par l'organisation autonome est de plus en plus grande et il y a une dynamique importante quoi, même de construction. Ça se voit, moi j'y suis allé en 2003, au printemps 2003 et donc avant la création de ces cinq conseils. Et j'y suis retourné, c'était la dernière fois au printemps dernier, en avril 2004. Et c'était vraiment visible, quoi, tout ce qu'ils avaient mis en place et qui fonctionnait, quoi, d'écoles, de coopératives. Les centres de santé sont très importants et ils se diffusent partout. Quoi. Ils essaient d'avoir des antennes dans chaque communauté, dans chaque village. Quoi. Donc voilà, ça c'est au niveau des... Ça concerne plusieurs centaines de milliers de personnes, hein, de hommes, femmes, enfants, et tout ça. Mais ça se passe donc que dans les zones rurales. En ville, c'est pas vraiment... Il y a une présence, mais elle est imperceptible. Quoi. En revanche, il y a des liens, heureusement, en ville, avec d'autres organisations, des organisations de quartier, des organisations sociales... évidemment, les organisations paysannes, on voit d'autres. Il n'y a pas que le ZLM, il n'y a pas que les abattistes qui sont organisés au Chiapas et dans le reste du Mexique. Là, il y a l'exemple de l'OCES, l'organisation paysanne Emiliano Zapata, et il y en a beaucoup d'autres. Donc, il y a toute une structure comme ça qui fonctionne et dans laquelle se retrouvent les abattistes. Voilà. Bon, ça c'est un peu la situation aujourd'hui. Après, on peut peut-être discuter de la relation qu'il peut y avoir entre ce mouvement et les libertaires, au Mexique d'une part et dans le reste du monde d'autre part. Il y en a, évidemment. On peut se rendre compte que dans leur histoire politique, la part... anarchiste existe, mais elle est petite, elle est à travers l'histoire de Flores Magón, des frères Flores Magón. Une des principales communes zapatistes porte le nom de Carlos Flores Magón. Mais sinon, il y a évidemment une influence au départ de la religion, entre autres à travers la théologie de la libération, mais ça aussi, ça peut être, c'est beaucoup plus complexe que ça peut le sembler, puisque il y a beaucoup de formes religieuses pratiquées au Mexique et au Chiapas. Il y a des églises protestantes, il y a tout ce qu'on veut, des témoins de Jéhovah, c'est un mélange le plus total, y compris des non-religieux. Hein, ça fait, heureusement, ça existe aussi, même si c'est assez rare en milieu indigène. Mais, et puis par ailleurs, bon, il y a à l'origine, c'est un peu curieux la formulation qu'emploie Zeno, le réalisateur, en parlant des intellectuels de gauche qui se sont installés dans ces montagnes. En fait, dans le début des années 80, mais effectivement, le petit groupe d'origine était moitié, c'était 6 personnes. Hein. En novembre 83, cette armée zapatiste, elle est fondée par 6 personnes. 3 indiens du Chiapas et 3 métis mexicains, et étant venus dans ces montagnes. Ça a vite changé, et bon, ça c'est ce que raconte le livre de Gloria Muñoz, qui a été traduit en français, édité en français il y a quelques mois, il y a 3 mois. Il raconte ça, les origines de ce mouvement, et en fait, au bout de très vite de ce noyau initial, un an plus tard, ils sont encore plus d'une douzaine, mais il n'y a plus qu'un seul non-indien et non chiapanèque, tous les autres sont indiens. Vous savez, dit, la culture politique de départ, elle est de type guébariste, grosso modo. Quoi. Donc, voilà. Mais il y a du chemin, qui a été fait. Il y a autre chose qui est citée par un étrange curé là, qui a été expulsé, qui est français, normand même, Chanteau, ouais, qu'on voit, dit le Padre Miguel, qui s'est fait expulser en février 98 du Mexique, et parce qu'il avait... Il était intervenu publiquement, entre autres devant des caméras de télé, pour donner son avis sur le massacre d'Actea et montrer le rôle du pouvoir dans ce massacre. Et ça, il a été expulsé très très vite après ses déclarations. Mais ce que. Donc lui, il rappelle, et il a raison, le congrès indigène de 1974 qui avait été organisé par le diocèse. Hein, par le, pour fêter le frère Bartholomé de Las Casas. Et c'est vrai que ça a été la première occasion, ce qu'il dit, c'est important, c'est-à-dire qu'en 1974, c'est la première occasion d'une grande rencontre indienne à San Cristobal de Las Casas, où ils ont pris la parole dans leur langue, et surtout où ils ont pris la parole de façon pour revendiquer leurs droits à la surprise générale. Dans les années 50, à San Cristobal, d'après ce qu'on nous disait, on pouvait traverser au moment de la saison des pluies à dos d'Indiens, les rues qui sont souvent inondées à San Cristobal. Donc c'est pour voir un peu d'où on vient. Là, il faudrait peut-être citer les livres de Travène pour se faire une idée de toute cette réalité. Donc ce chemin, donc il y a 64, de 74 avec ces premières interventions d'Indiens qui sont venus nombreux sous prétexte de ce congrès, on arrive 20 ans plus tard à un soulèvement armé, de 74 à 94, et de 83 avec la naissance de ce tout petit groupe qui donne naissance à cette armée zapatiste, 20 ans plus tard, en 2003, on arrive à l'autogouvernement de régions entières avec des centaines, plusieurs centaines, 300, 400 000, c'est difficile à évaluer, des milliers d'habitants. Donc il y a du chemin et à travers ce chemin, il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui, bon, moi c'est ce que j'écrivais dans Libertaire il n'y a pas longtemps, mais je pense que l'expérience qui est en cours devrait pour le moins intéresser, interroger, concerner les libertaires, parce qu'ils sont, il y a beaucoup de points communs avec des mouvements paysans, avec des libertaires dans les années 20 en Ukraine et dans les années 30 en Aragon ou en Catalogne. Si on veut parler, bienvenue. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre une photo de personne opposée ? Si ? Non ? Monsieur, vous mettez un masque. Un foulard comme. Bon. Juste avant de demander. Oui, pour l'histoire. Juste avant de passer au cœur du sujet, une petite question à réfléchir et qu'on pourra voir après. Il y a une tradition, bien que nous soyons couverts les traditions, mais qu'on aime bien, c'est celle d'aller manger le soir avec le conférencier au restaurant. Et donc, c'est bien qu'on soit assez nombreux, comme ça, on paye ça à la bouffe, etc. Voilà. Donc, ceux qui veulent venir bouffer avec nous, ce soir, ça, on peut en discuter. Si c'est un vis-à-vis du peuple, je ne peux pas, ça me fait pas plaisir. Non, c'est pas là-bas. Ah, ouais, c'est vrai. Non, ça peut être à la passerelle, par exemple. À moins que quelqu'un y voit une d'autres idées. Voilà. Quelqu'un veut-il intervenir sur le sujet? Moi, je voulais te demander si il y a sido muchas veces à México. Siete veces. Ah, siete veces. Mais pour la première fois, j'étais en 96 et dans les trucs qu'on voit là, la rencontre intercontinentale. Et sinon, j'avais jamais mis avant d'aller, j'avais un peu appris sur le tas l'espagnol comme je pouvais en Catalogne, en Espagne, en Catalogne. Donc mal, parce que c'était entre catalan, castillan. Mais j'étais jamais allé en Amérique latine. Et j'y suis allé parce qu'ils nous ont invités. Pas allé tout seul, on était plus de 200 à venir d'ici, de France. Et depuis, ouais, c'est là en avril dernier, c'est la 7e fois que j'y retourne. Comment ça se fait? Oui, parce que j'ai voulu connaître le monde, je me fais employer par l'Europe Assistance pour aller chercher les voitures accidentées en banque. Ça, c'est permis d'aller partout dans le monde. Et après, il a arrêté. Sylvie. Les photos, c'est pour ici, monsieur, ou c'est pour... C'est pour ici. C'est pour ici. Pour le CIRA, oui. Après, là, c'est à disposition. Ah bon, bah, donc, c'est... Moi, j'ai été très touchée par deux choses, en particulier. J'ai dû être touchée. D'une part, par la... Je ne veux pas me faire les interventions des femmes. Et ça me faisait penser à un espagnol pendant certaines périodes révolutionnaires où elles ont eu un sacré boulot parce que non seulement elles étaient dans la lutte révolutionnaire, mais alors en plus elles avaient des choses à dire à leurs compagnons. Et là, j'aimerais savoir un peu plus si c'est possible, sur la manière dont. Comment ça s'organise du côté des femmes, comment c'est perçu du côté des hommes. Voilà, ça, ça m'intéresse un peu plus. Et d'autre part, sur dans le lien justement avec le libertaire, il y a, c'est justement au début du film, quelqu'un qui parle de la résistance, de la résistance armée, ok, et puis deux autres niveaux. Un autre niveau qui est d'utiliser dans ses possibles. Au fond, ce que propose, ce que laisse passer l'adversaire, c'est-à-dire en l'occurrence, l'État, le pays, ou bien les autres. Et un troisième niveau qui est résister au niveau quotidien. Et ça m'a fait penser quand même à quelque chose qui paraît important quand on a un point de vue libertaire, une pensée libertaire, c'est comment, dans notre quotidien, dans la société qui, finalement, est-ce qu'elle est. Pas du tout, où on est obligé de faire des concessions et même des compromis, et comment toujours essayer de chercher le moins de compromis possible, le moins de concessions possible, c'est une façon de résister au quotidien. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Il me semble que ça rejoint quand même là, sur les femmes, les rapports aux femmes. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps à Marseille, je ne sais pas, il y en a peut-être qui l'ont rencontré, mais Gloria Muñoz qui a écrit ce livre qui reprend, qui survole les 20 ans et les 10 ans de. Les 20 ans de création de l'armée zapatiste et les 10 ans de soulèvement, elle en parle très bien de ça. Alors je vais essayer de reprendre un peu les. Ce qu'elle dit et aussi ce que j'ai pu ce qu'on a pu voir là-bas, puisqu'en général on essaye d'y aller à plusieurs. La question des femmes elle est importante en général dans les mouvements sociaux, je veux dire, mais elle l'est peut-être encore plus dans des sociétés. Ont survécu à travers ce qu'on appelait les us et les coutumes, les traditions, etc., qui sont importants, puisque c'est en même temps c'est ce qui fait qu'ils ont préservé leur structure communautaire, leur forme de démocratie directe, l'assemblée, fondée sur l'assemblée, dès qu'il y a un problème à résoudre, ça se réduit collectivement par l'assemblée, et leur langue, etc. Mais dans ces traditions, dans ces usages communautaires, il est clair que la place des femmes, elle est carrément, clairement inférieure. Et qu'en général, il n'y avait pas de participation des femmes aux assemblées, justement, et encore moins à des tâches, à des rôles de responsabilité. Entre autres, il y a un aspect qui est important, c'est la propriété communale de la terre, ça s'appelle les rideaux. Et là, il y a des responsables, qui sont présidents, etc. Et c'est jamais des femmes. Pas uniquement à travers le mouvement de Baptiste, mais quand même de façon très forte chez les Baptistes, il y a la volonté, et c'est une réalité, de bouleverser ça, de transformer ça. C'est-à-dire qu'il s'agit, c'est pas un mouvement qui veut maintenir tel quel les traditions, les usages, etc. C'est un mouvement qui, sur un certain nombre de plans, entre autres justement le rôle des femmes, y compris, ça veut dire l'information sur la contraception et tout ça, et ça veut dire aussi des choses qui doivent s'opposer à l'emprise religieuse. Et ça, on le trouve bien sûr chez les apatistes. Aujourd'hui, les insurgés, ceux qui ont pris des armes et qui sont organisés de façon militaire, c'est vrai, avec leur correspondant à une logique militaire, la moitié pratiquement sont des femmes. C'est pas loin de 50-50, ouais, c'est à peu près 45-55. Ça veut dire qu'en 1994, quand ils sont apparus, c'était un tiers. Et là, parce que pour une jeune femme indienne, c'est aussi une possibilité de sortir de sa communauté et d'échapper à l'emprise justement de ses traditions, voire du mari qu'on va lui imposer, etc. Elle peut faire ça en rejoignant l'organisation rebelle. Et elle ne se gêne pas pour le faire, ce qui fait qu'elles sont de plus en plus nombreuses. En revanche, dans les dernières... les derniers bilans qui ont été... Enfin, j'appelle ça bilan... on peut balancer en espagnol, c'est à peu près ça, qui ont été faits justement sur cette première année, été 2003, été 2004, des conseils d'autogouvernement, des cinq coordinations régionales à travers les Caracoles, de par les apatistes eux-mêmes. Donc maintenant, ils ont maintenu, ils n'ont pas dissous l'organisation militaire, qui est évidemment clandestine et tout ça, qui s'appelle toujours ZLM, elle n'a pas été dissoute. Ils n'ont pas rendu leurs armes, ils n'ont pas quitté leur basse montagne dans leurs apparitions publiques. Mais, et maintenant sur le devant, et prend l'importance de la transformation du mouvement, du développement du mouvement, les instances civiles qui sont donc ces conseils de bon gouvernement et les conseils autonomes. C'est une trentaine de communes, ce qu'on appelle municipios autonomos. C'est une trentaine, ça veut dire c'est à peu près plusieurs milliers, une dizaine de milliers à peu près de femmes concernées dans chaque commune. Et donc là, d'après déclaration des apatistes eux-mêmes, le rôle des femmes est encore bien trop petit. Là, j'ai reçu hier vendredi, j'ai reçu un message d'un copain, d'ailleurs à la CNP à Paris, et qui vient d'arriver là au Chiapas et au Bentic. Donc on y était ensemble en avril. en avril 2004, et ils viennent d'arriver là, les premiers jours de février 2005. Il a été reçu par le conseil et il me dit c'était exactement moitié-moitié homme-femme. Bon, c'est la région la plus, où le mouvement est le plus fort et le plus développé, c'est celle qu'on voit le plus longtemps, d'où est originaire David, le commandant David, qui a été séminariste, il a bien tourné. Mais, et d'où est aussi originaire celle qu'on entend qui ouvre, là, dans les paroles ouvrent la rencontre intercontinentale, qui s'appelle Anna Maria, qui est aussi des. Alors c'est des, en général, ils sont de Tzotzil, et c'est la zone qui est proche de San Cristóbal de Las Casas, c'est la zone des hautes terres du Chiapas. Donc c'est là où le mouvement est le plus fort. Et là, il semblerait que la participation. Les élèves sont assez mixtes, heureusement, bien sûr. Ce qu'ils appellent, alors, il y a un mot qu'ils emploient, c'est promoteur, hein, promoteur d'éducation, promoteur de santé. Donc là, pareil pour tous ces promoteurs, entre guillemets, hein, faut l'entendre. Dans leur vocabulaire, c'est mixte et homme-femme, hein, ça c'est clair. Et dans les jeunes générations, ce qu'il y a d'étonnant, c'est quand même aujourd'hui, il y a ceux qui ont 20 ans, ils étaient mômes quand le soulèvement a eu lieu. Quoi. Ils viennent de vivre 10 ans, 11 ans, dans leur propre forme d'organisation. Et là, c'est totalement mixte, le rôle des femmes. Mais ça reste une bataille. Et une des choses qui développe aujourd'hui, enfin depuis un an ou deux, c'est la communication à travers les radios. La plupart s'appellent, il y a plusieurs, ils ont des tas d'émetteurs, qui s'appellent en général tous Radio Insurgés. Et on peut trouver sur Internet, il y a un site internet de Radio Insurgés, et on peut écouter leurs émissions. Et il y a même des CD qui sont vendus de façon à ramener un peu de fric et tout ça. Ça, c'est au niveau des insurgés. Et le thème principal des émissions, qui sont en général faites sous forme de contes, avec évidemment de la musique et tout ça, vraiment ça raconte des histoires, mais le thème principal c'est sur la participation des femmes, et pour en finir avec les pratiques de mariage arrangé, des choses comme ça, quoi. Donc ça les deux points qui sont donnés comme étant. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, où les apatistes, les insurgés, qui ne sont pas des militants, hein, il faut bien entendre, hein, ils sont tous des paysans, et ce sont les mêmes qu'à certains moments on peut trouver avec passe-montagne et éventuellement un fusil, en tout cas une machette, et qu'on va trouver après dans les champs, dans les mille pas, ça veut dire les parcelles de terre cultivées. Mais les deux points qui sont donnés à développer, c'est le rôle des femmes, plus de participation et de reconnaissance du rôle des femmes, d'une part. Et le deuxième point, et là ça devrait réconcilier ceux qui n'aiment pas entendre des mots, j'en fais partie, de militaires ou d'armées, l'importance encore trop grande de l'organisation politico-militaire, donc armée zapatiste, par rapport à l'organisation civile qu'ils ont mise en place. La première chose qu'ils ont déclarée quand ils ont mis en place l'organisation civile, c'est-à-dire ces fameux conseils, si on veut, de bon gouvernement ou d'auto-gouvernement, la première chose qu'ils ont déclarée en tant qu'insurgés zapatistes en armes, c'est que les gouvernements en question ne pourraient pas demander l'aide de la force militaire qui est constituée pour asseoir leur autorité. Que ça, il faudrait qu'ils se débrouillent sans. Ils n'avaient pas pris les armes, ils ne s'étaient pas entraînés, ils ne s'étaient pas organisés pour ça, pour faire régner l'ordre. Il faudrait qu'ils se débrouillent autrement. Donc ça, bon. Et là-dessus, il y a donc les deux points principaux, c'est développer au niveau des responsabilités la participation des femmes et diminuer l'influence encore trop grande. Bon, c'est vrai que ça fait 21 ans qu'ils existent, de l'appareil qu'ils ont créé, de l'organisation qu'ils ont créée, politico-militaire. C'est très peu de monde hein, en temps normal, hein. Parce que c'est extensible. Il y a ce qu'il appelle les miliciens, et là ça peut être plusieurs milliers qui vont se mobiliser très vite, mais en période normale, les insurgés, je pense que c'est peut-être sur tout le territoire où ils sont, des centaines c'est sûr, 1-2 milliers peut-être, mais guère plus. Sur les communes qui se sont créées, est-ce qu'il y a eu des expropriations? Est-ce qu'il y a des terres qui sont cultivées en commun? Comment ça se passe? Ouais. Oui, il y a eu une des choses les plus importantes, un des aspects les plus importants du mouvement social. C'est bien, il faut bien comprendre que c'est un mouvement social. C'est pas, même s'il y a des aspects politico-militaires, etc., si c'est développé et s'il n'a pas été encore écrasé, c'est bien parce qu'il correspond à Tierra et Libertad, à Terre et Liberté, donc, et qui est venu dans la dynamique de l'occupation des terres. Et dans les semaines qui ont suivi l'apparition en armes dans 7 des principales villes du Chiapas, sauf la capitale administrative, là, sont pas investis, et dans les semaines qui ont suivi l'apparition des premières images qu'on voit du documentaire, il y a eu énormément de terres occupées. Et beaucoup ont été reprises par les grands propriétaires, mais pas toutes. Et justement, il y a un certain nombre de communes et de communautés qui ont été créées de toutes pièces par rapport à des occupations de terres. Il y a une commune qui s'appelle Emiliano Zapata, elle n'existait pas. Elle, il n'y a pas double représentation du village, et il est totalement zapatiste. Il a été créé à partir de janvier 1994 et sur la base d'occupation des terres. Et bien sûr, ce qui n'est pas le cas en général de l'Ejido. L'Ejido, c'est une forme de propriété de la terre communale, on ne peut pas hériter, etc. Encore que ça a été chamboulé, l'article 27 de la Constitution mexicaine a été transformé en 92 pour correspondre aux critères des accords de libre-échange nord-américains, l'ALENA. De façon à ce que si la majorité des paysans décident de vendre, etc., ils peuvent le faire, c'est-à-dire ils peuvent privatiser la terre. C'est quelque chose que la Constitution accorde aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 1992. Mais la propriété communale de la terre ne signifie pas le travail collectif de la terre. En revanche, dans le mouvement zapatiste, c'est pratiquement tout le temps un travail collectif de la terre dont il s'agit. Et surtout, ce qu'ils ont développé, c'est les coopératives. C'est-à-dire que la coopérative à laquelle on achète le café, qui s'appelle Moudvit, c'est-à-dire la montagne des oiseaux en Tzotzil, cette coopérative, c'est un millier de paysans. Ils peuvent être dispersés en revanche. Mais bon, sur les moments de récolte et tout, bien sûr, ils s'entraident et tout ça. Et les Ejidos zapatistes sont en général avec travail collectif de la terre. Ouais. Alors, dans le mouvement zapatiste, le nom de Zapata est utilisé comme une arme ou comme un mode de revendication? Et est-ce qu'il existe toujours, comme au moment de Pancho Villa, une différence entre le Nord et le Sud sur les revendications et sur l'ensemble du mouvement? Je ne connais pas le Nord, hein, mais vraiment pas du tout. Le nom de Zapata, oui, oui, c'est quand même une image. Bien sûr. Et les revendications sont très proches, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une grosse différence de conception de gouvernement futur entre Pancho Villa et Zapata. Oui. Oui. D'ailleurs, on l'a bien vu lorsqu'ils se sont rejoints tous les deux à Mexico, il y a eu certaines divergences. Oui, non, mais, ce qu'il faut. Bon, il y a presque un siècle, hein, on est à un siècle de tout ça. Moi, je crois que les noms des révolutionnaires de la révolution mexicaine, dans la façon dont ils ont été transmis, moi, en 1996, quand je suis allé au Mexique, le billet de 10 pesos, c'était la tête de Zapata qui était dessus. Là. C'était les billets officiels, hein, c'était pas la monnaie de l'EZLN, hein, c'était celle imprimée par la Banque du Mexique. Donc dans les casernes de l'armée fédérale, on va trouver le portrait de Zapata. Hein, c'est un héros, il fait partie de l'imagerie du parti révolutionnaire. Pancho Villa aussi, mais bien sûr. Mais bien sûr, Francisco, on va l'appeler, mais bon, mais ouais, non, mais il y a des tas de places, de rues, de tout ça. Et Ricardo Flores Magón aussi, à Oaxaca, j'ai vu la buste de Flores Magón. Hein. Il y a des rues Flores Magón au Mexique. Hein. Donc, la façon dont les noms des révolutionnaires sont aujourd'hui revendiqués, c'est pas évident de voir le tri qu'on est fait. Par exemple, beaucoup de groupes qu'on pourrait qualifier de maoïstes, grosso modo, hein, des années 70 au Mexique, se disaient magonistes, revendiquaient, parce qu'ils considéraient que c'était le plus radical, ils n'avaient pas tort d'ailleurs, mais le plus radical par rapport à la révolution mexicaine. Et un groupe comme le Procup, ça voulait dire parti révolutionnaire, ouvrier, paysan, union prolétaire, un truc comme ça. Et c'était un parti grosso modo clandestin, plus ou moins armé, avec référence grosso modo marxiste-léniniste, et Flores Magón. Il se réclamait Flores Magón. Le fait que Magón était anarchiste, ça ne les effleurait pas trop, ça ne leur posait pas de problème. Donc, un des principaux mouvements urbains de Mexico, de la ville, hein, parce que la ville de Mexico, le district fédéral, c'est 20 millions d'habitants, c'est un cinquième de la population mexicaine. Parce que c'est justement ce qui est très intéressant, c'est l'utilisation de l'individu de côté et de la terre de l'autre. Quand on compare, disons, le peuple paysan avec le peuple de la ville, Mexico avec les compagnons, c'est la ville de jour. Oui, mais le principal mouvement urbain de résistance urbaine des pauvres du district fédéral de Mexico, il s'appelle Francisco Villa. Et ils soutiennent les apatis. Ça veut dire que quand la caravane de 2001, quand la marche de la dignité indienne est arrivée à Mexico, l'armature des manifestations pour les accueillir, pour les protéger, c'était le front, il s'appelle Front Populaire Francisco Villa. Et c'est ils tiennent des quartiers entiers. Ils occupent, ils construisent. Ça veut dire qu'il y a, tous ces faubourgs de Mexico qui sont des bidonvilles. Et là, ils ont construit, créé des quartiers, construit des immeubles et tout ça. Ils tiennent le front Francisco Villa tient des quartiers de Mexico. C'est la question que je voulais poser. Bon, parce que nous en sommes restés encore à l'époque, vous voyez, de l'imagerie populaire. De voir un Mexicain sur le cheval avec une cartouchière. Ça existe encore. Et le mouvement lui-même, c'était que le chevaucher à la limite extrême. C'est exagère, hein, peut-être simpliste, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Parce que dans le mouvement populaire, il y a forcément un mélange de personnes qui sont complètement différentes selon le milieu dans lequel ils vivent. Mm-hmm. dans les villes. Je rentre dans les villes, dans les villes. C'est à propos, moi je parle pour ça, en tant que leader, pour essayer de comprendre le Zapati, en plus. Il y en a plusieurs, mais bon. Donc dans les différentes applications, je suis ravie. Et dans les villes. Au Chiapas? Oui. Ou ailleurs? Je dirais, bon, il y a, je m'en rappelle plus tout à fait les noms des villes du Chiapas, à part... par Saint-Cristobal. Oui, non, mais c'est pas grave. Mais bon, il n'y a quand même pas que de la campagne, même si c'est important que pour d'autres. Et j'aimerais savoir comment, s'il y a quelque chose d'organisé, et comment, Non, c'est vraiment important. Ça me permet de dire quelque chose. Ça me permet de préciser quelque chose. C'est les relations, parce que ça, ça a beaucoup changé depuis janvier 1994 à aujourd'hui. C'est les relations de ce mouvement des zapatistes avec les partis politiques. Dans les villes, il y a les partis politiques, et entre autres. Et les relations du mouvement zapatiste avec les partis, aujourd'hui, elles sont du même ordre que leurs relations avec le gouvernement. Ça, il n'y en a pas. Ils ont rompu avec ce qu'ils appellent la classe politique. La dernière proclamation d'autonomie, d'organisation autonome de communauté indienne au Mexique, vient de se faire, là, il y a quelques semaines, dans l'état de Michoacán, c'est des Indiens Purépecha, ils se sont donc déclarés en autogouvernement, et ils ont créé aussi leur caracol, comme au Chiapas, en disant explicitement que c'est à ça qu'ils se référaient, qu'ils, maintenant, eux aussi, ils s'auto-organisaient, et l'état de Michoacán, il est dirigé par le PRD, c'est-à-dire par le parti considéré comme de gauche au Mexique, et en plus par le fils Cárdenas, c'est-à-dire le petit-fils de Lázaro Cárdenas. Bon, Lázaro Cárdenas, donc ça c'est pendant la Révolution espagnole, son fils est Cuauhtémoc Cárdenas, qui manque d'être élu président en 88. Il y a une énorme fraude, les ordinateurs tombent en panne, etc. Bon, et donc il devient ensuite il fonde ce parti de la révolution démocratique, donc, considéré comme de gauche. Il a été membre du PRI avant, hein, il a été gouverneur aussi, je crois bien de Michoacán d'ailleurs. Et aujourd'hui son fils, et donc il existe toujours, Cuauhtémoc Cárdenas, mais son fils est gouverneur de Michoacán. Et là, je le disais là dans le train tout à l'heure en venant, les Indiens Purépecha qui se déclarent en autonomie à Michoacán disent que la classe politique vraiment il la rejette complètement. C'est-à-dire que c'est pas seulement le fait des zapatistes. Donc en ville, puisqu'il y a rejet des organisations, des partisans, de type partisan, avec qui il y a une correspondance, puisqu'il y en a effectivement, avec les organisations sociales, c'est évident, paysannes, ouvrières, ça existe, par exemple dans l'électricité, le pétrole aussi, et surtout ce qui est très très important, parce qu'il y a chômage monstrueux et tout ça, toutes les économies parallèles et compagnie, c'est les organisations urbaines, les organisations de quartier. Je prends l'exemple du Front Populaire Francisco Villa au district fédéral à Mexico, mais il y a des exemples comme ça, dans une moindre mesure, on va retrouver dans plein d'autres villes du Mexique, y compris du Chiapas. Je veux dire, à San Cristobal de las Casas, on est, qui doit faire plusieurs dizaines de milliers, ça fait moins de 100 000, mais autour de 50-60 000 habitants, il y a tout un tas d'organisations de quartiers et tout ça, qui se retrouvent dans les zapatistes. Quand les zapatistes réoccupent, ça leur arrive de temps en temps, San Cristobal, en général, ils sont plusieurs 20 000. Moi, je l'ai vu en... précisément le 12 janvier 2001, c'était ça, le 12 janvier 2001, ils ont réoccupé la ville pendant quelques heures, Et il y avait beaucoup d'habitants qui étaient avec eux, sans passe-montagne. Les autres, ils avaient des passe-montagnes, des paliacates, les foulards. Mais on voyait beaucoup d'habitants de San Cristobal qui étaient avec eux. Et ces habitants-là, effectivement, ils sont organisés. Il y a aussi des groupes de femmes. Il y a tout un tas eux, ils appellent ça ONG, organisation non gouvernementale. Mais en fait, ça correspond à ce qu'on appellerait ici des associations. Ça peut être, y compris, des associations, même sur des vues culturelles, hein, d'éducation, tout ça. Ça fourmille. Hein, alors, le mot qu'ils emploient, et maintenant ils le mettent au pluriel, ce mot, c'est société civile. Donc maintenant, ils disent les sociétés civiles. Et comment tu sais, avant de parler d'associations, j'ai lu son bouquin sur l'histoire de la libre pensée, il y a pas de temps, il y avait, disons, aux deux siècles derniers, dans le 20e et le 19e, des sociétés de libre pensée. C'est la société, non pas comme on disait pas, comme l'association. Ouais, mais ça ça rejoint, là, j'ai l'impression, parce que société, ça évoque quand même beaucoup plus l'association. Ouais. Ça veut dire, société, c'est la société d'une certaine manière. Oui, oui, non, mais c'est vraiment ça. Et c'est évoqué au début du film, en août 95, ils avaient lancé une consultation. Alors ça aussi, c'est assez étonnant pour un mouvement armé et tout ça. Ils ont lancé une consultation nationale et internationale. Nous, on l'a faite... en tout cas à Paris, et ils ont donc c'est une consultation qui a été faite un peu partout. Il y avait des tas comme ça sur les places, dans les villes, les gens venaient mettre leur répondaient. C'est, il y avait plusieurs questions, il fallait répondre, ils rendaient leur questionnaire. Ils avaient eu 1 200 000 réponses. Ils l'ont, bon, il y a 5 millions d'habitants. Ils l'ont refaite en 99 sur l'histoire des accords droits et culture indigène. Accord signé en 96 n'est pas appliqué, jamais appliqué. Ils ont fait une consultation là-dessus. Il y a 5000 apatistes mixtes, hein, hommes-femmes, par groupe 2, par paire, à chaque fois hommes-femmes, 5000 qui sont partis du Chiapas dans tout le Mexique. Pour justement organiser cette consultation en 99, et ils ont obtenu 3 millions de réponses. La pratique de la consultation, ça existe, c'est fait, je ne sais pas, on appellerait ça référendum locaux, des trucs dans ce genre-là, ça existe là-bas. Mais quand un parti politique ayant pignon sur rue, de l'argent et tout, comme le PRD par exemple, fait ça, il va avoir quelques centaines de milliers de réponses. Donc c'est pas quelques milliers d'insurgés zapatistes qui arrivent à avoir ça, c'est qu'il y a effectivement une correspondance dans les villes, dans le reste de la société mexicaine. Et donc c'est tout ce milieu-là qui répond, quoi. Cela dit, c'est comme les mobilisations peuvent être extrêmement importantes. À chaque fois qu'il y a eu répression militaire, tentative de destruction des apatistes par l'armée, il y a eu des manifestations massives dans les grandes villes du Mexique. Mais après, ça disparaît. Et là, il y a eu la même chose en 2001 avec la marche. Ça a été... moi, j'étais à Mexico quand ils sont arrivés sur le Zócalo, la place principale, tout le monde était blindé de monde. Et c'est vrai qu'après, on se demande où ça part, tout ça. Et bien, ça ben bon, ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est ça qui correspond. Et il le développe, y compris aujourd'hui au niveau international. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire qui est évoquée, des comités de solidarité collective, etc., qui sont créés comme ça, un peu partout. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui que jusqu'en 96, où c'était le moment où il y en avait plus. Mais c'est à ça que ça correspond aussi. Et l'organisation civile au Mexique, de la société civile au Mexique, elle commence à être reconnue, son rôle, devant les failles, les manques complets de l'État au moment du tremblement de terre, c'est-à-dire 85, le tremblement de terre de Mexico, c'est là qu'on dit, c'est la société civile qui s'organise pour faire tout ce qu'il y a à faire. Est-ce que le Mexique ne va pas devenir une colonie américaine, estadounidense? Il l'est déjà, non? Non, je ne sais pas, mais économiquement... Mais ça, ça fait déjà beaucoup d'années que j'ai entendu toujours ça. Et le Mexique, ça allait devenir une colonie américaine estadounidense. C'est évident que l'économie du Mexique est complètement liée au dollar. Il paraît qu'il y a des entreprises estadounidenses qui créent des trucs à là-bas pour les faire travailler presque bruyants. Aujourd'hui, il y a une espèce de rivalité entre l'Union européenne et les États-Unis par rapport aux investissements, comme on dit, au Mexique. Alors, je pense sincèrement que le Mexique, l'Amérique latine, est déjà... au niveau économique, c'est évident. Il faut savoir que l'endroit au monde où la solidarité est la plus forte, la plus efficace, celle qui amène le plus d'argent avec les rebelles, c'est aux États-Unis. Hein. Oui. Eh oui, parce que c'est plein de les Chicanos, tous les Mexicains qui sont passés oui. En général clandestinement, sans papier, etc., de l'autre côté de la frontière, ils se retrouvent dans ces, pas tous, oui. Mais une bonne partie se retrouvent dans ces mouvements. Et il y a une solidarité très très forte qui vient de l'Amérique du Nord. Oui, mais ils ont aussi l'espoir de quel jour que le Mexique deviendra un État des États-Unis. C'est à double tranchant maintenant. Oui, je crois que le ministre de la Justice de Bush, là, il est d'origine latino, il me semble, non? Oui, bon, ça a été à l'avoir. Qui avait d'origine, ouais, je crois. Qui avait défendu l'usage de la torture. Oui, ça y en a, oui. Les Européens, mais bon, ouais, non, c'est. Après, il y a l'imbrication économique, elle est évidente. Là, déjà, il y a le 1er janvier 1994, c'était l'entrée en vigueur du traité de libre-échange nord-américain. Canada, États-Unis, Mexique. Le Mexique, c'est l'Amérique du Nord, un peu Amérique centrale. Et maintenant, là, c'est l'ALCA, c'est la zone de libre-échange des Amériques qui est en train de se mettre en place. Donc, oui, c'est évident que c'est la puissance des entreprises nord-américaines. Fox, le président, il était, avant d'être président, il était directeur de Coca-Cola Mexique. Et nous, par rapport au Mexique, comme c'est souvent Mexico, lindo querido, yo muero lejos de ti. En Espagne, on disait beaucoup ça. Mexico, tu es loin, mais nous, on va mourir loin de toi. Pour l'instant, l'administration, les administrations, comme on dit, nord-américaines par rapport à la rébellion indienne, ils ont l'air d'y aller assez doucement. Il n'y en a qu'une qui a dénoncé le ZLN, demandé leur mise à la raison, c'est le truc anti-drogue. Mais ça n'a pas été suivi, quoi. Ils sont pas... Bon, il faut quand même rappeler qu'ils ont à peine fait usage d'armes pendant une dizaine de jours pour se défendre. Hein. C'est un mouvement qui a des armes mais qui ne les utilise pas. Donc ils ont échappé. Il n'y a jamais eu d'attentat, il n'y a jamais eu dans les rangs. Ils ont eu quelques. Le 1er janvier 1994, ils avaient attrapé, entre autres, un général, un ancien gouverneur, et ils l'ont jugé, ils l'ont lâché, alors qu'ils avaient. C'est quelque chose qui a longtemps. Pas longtemps. Ils ont piqué sa montre, je crois. Le mot qu'ils emploient, c'est l'autogestion. Mais ils emploient le mot. C'est aussi vague. D'accord avec toi. Normalement, il y a le même principe sur les responsabilités. Il y a des responsables. Moi, j'ai été, pas moi tout seul, mais avec, quand on est allé pour rencontrer ceux du café, la coopérative Bits, on a été reçus par. Bon, il y avait un président, un trésorier, un truc comme ça, il avait le même genre, peut-être un secrétaire, c'est les paysans, hein, vachement jeunes en plus, qui n'avaient pas trop. Ils sont dans le modèle des coopératives agricoles, les viticoles ici. Je ne connais pas assez bien le sujet, mais ils sont élus à partir de leur communauté. Dans la mesure où c'est des communautés paysannes qui cultivent du café, c'est ça le système qui les amène à prendre des responsabilités. Ils quittent la communauté pour pouvoir, parce qu'il y a un lieu où il n'y a pas grand monde, mais où même en général personne, quand ils donnent un rendez-vous, ils te reçoivent dans un truc qui est le siège, hein, on peut dire, qui est dans la montagne et tout. Hein. Tu ne vas même pas en bagnole, hein, il faut y aller à pied, mais qui est le siège de la coopérative. Et je pense qu'il y a un principe de rotation aussi. C'est assez ils ont l'air de bien avoir compris ce que c'est que la rotation. Le truc de ce qu'expliquait Marcos dans le dernier long texte, ça s'appelle « Lire une vidéo sur l'organisation de ces... » de toutes ces structures civiles zapatistes, et entre autres, je pense qu'il y a le même type d'organisation dans les conseils d'autogouvernement et dans les autorités coopératives ou communales. Lui, il disait, oui, on nous reproche que c'est pas efficace d'avoir comme ça une rotation toutes les semaines et tout. Mais au moins ça permettra ce que tout, petit à petit tout le monde va savoir comment ça va. C'est plus des on apprend à prendre les responsabilités, à gouverner entre guillemets de cette façon là. Alors te dire que il y a le même type de rotation dans une coopérative de production de café, ça j'en suis pas sûr, je crois pas quand même. Mais parce que ça implique aussi de quitter la famille, les enfants et tout ça. Ils quittent la communauté, hein, ceux qui s'occupent de la coopérative, quoi. Ils ont des tâches d'administration. Alors maintenant, ils ont aussi des coopératives de transport. C'est un des trucs les plus importants. Il n'y a pas de train, évidemment. Un des trucs les plus importants, c'est les moyens de déplacement. Donc c'est les camionnettes, les camions, il y a tout ce qui peut rouler. Ça roule. Et maintenant, ils commencent à avoir quelques camions qui donnent des noms assez marrants. Ils tournent le pied là, c'est une espèce de lutin. Et on voit sur certaines routes maintenant, si tu veux te déplacer, tu peux monter dans les transports zapatistes. Donc ça aussi, c'est organisé de façon coopérative. Et un autre aspect, c'est les coopératives de femmes. Là, il y en a plein. Et ça, c'est des... Parce que, mis à part l'agriculture, l'autre production, c'est le textile, les vêtements. Et il y a beaucoup de coopératives de femmes. Pas seulement zapatistes, hein, mais les zapatistes le font aussi. d'autres, quoi, des coopératives indiennes, des femmes. Et ça, ça, on les retrouve aussi avec des trucs dans les villes, dans les, où elles vendent leurs vêtements, et non plus au lieu d'aller les vendre aux blancs, aux commerçants blancs qui vont leur acheter rien du tout et les revendre très cher. Un des trucs qu'ils se sont mis à produire, toujours coopérative, toujours d'après eux sur le mode autogestionnaire ou autogéré, c'est les chaussures. Parce que bon, quand tu dois crapahuter dans la montagne, c'est assez important, et à un moment ils avaient des gros problèmes et pour trouver des bottes. Donc ils ont résolu ça en les fabriquant, en apprenant à fabriquer des bottes, des rangers et tout ça en cuir. Maintenant ils ont tellement bien appris à les fabriquer qu'ils les vendent. Donc il y a des coopératives de production de chaussures qui sont avec une étoile, ZLM et tout. Mais normalement, c'est de toute façon la structure de base pour prendre une décision, c'est l'Assemblée. Ça, c'est sûr. Le problème, c'était la participation des femmes dans les assemblées. Avec les apatistes, elle est acquise, cette participation des femmes. Elle est favorisée même. Elle pousse à ce que ça devienne une participation de prise de responsabilité. Ça, c'est universel comme principe, c'est l'Assemblée générale qui décide, qui reprend une orientation, mais souvent dans les coopératives ici, dans d'autres pays, il y a une administration qui elle, est une sociétaire, chez l'Union, c'est l'Union qui sont dans cette administration, et le directeur de la coopérative qui gère avec son sous-directeur, avec son staff, etc. Ce sont des fonctionnaires permanents. Donc c'est ça qui tourne là-bas aussi les fonctionnaires. T'as raison, hein. Surtout qu'il y a une chose, c'est que toute leur structure d'auto-gouvernement, elles sont rebelles, elles sont pas légales, elles sont pas reconnues légalement, évidemment. En revanche, les coopératives, oui. Légalement, ils peuvent vendre par tonne. Nous, on leur prend 5 tonnes de café, juste un collectif parisien, et il y a d'autres qui en prennent. Ils peuvent vendre et tout ça légalement, ouvrir des comptes bancaires et ce genre de choses. Donc là, effectivement, se posent les questions. Moi, il y a eu la proposition d'acheter et de vendre du café, j'ai juste demandé aux copines et aux copains de créer une structure pour ça, que ça soit pas le comité de solidarité. Ça permet au comité de solidarité de rester ouvert, bordélique et tout ce que tu veux, tu vois, de fonctionner sur la base de son assemblée, parce que nous aussi on fonctionne comme ça, tu vois. En revanche, quand ils ont dit ouais, mais on veut acheter tout ça, je dis ouais, d'accord, ok, mais ce serait bien que les responsabilités à ce niveau-là, entre autres économiques, elles soient assumées en tant que telles par une structure on peut dire coopérative de consommateurs, effectivement. Et ça a été fait, et ce que j'espère, pour l'instant, il y a un manque de ce côté-là, on en a d'ailleurs parlé il y a très très peu de temps. Je pense que dans le même réseau où on vend café, qu'en plus qui est vendu comme rebelles et apatistes, pour moi ça reste du café, hein. Mais dans les mêmes réseaux où on vend du café, ça serait bien d'expliquer justement comment fonctionne concrètement la coopérative. Je peux te donner le mail d'un copain qui est par ailleurs co-secrétaire international de la CNT, qui s'occupe de ça, pour qu'il te réponde là-dessus. Il est là-bas en ce moment. C'est lui qui me disait qu'il était là quand ils ont été reçus, ils sont partis à deux. Quand ils ont été reçus, là, ils avaient moitié homme, moitié femme. Et c'est vrai que ça serait bien qu'il qui donne des détails ce que nous on avait obtenu. Enfin, en fait, c'est la CGT espagnole. Vous savez ce que c'est que la CGT espagnole? La CGT espagnole qui s'était jumelée avec la commune autonome Ricardo Flores Magón avait obtenu un long écrit de cette commune pour expliquer comment il fonctionnait, tout ça, pour répondre à tout ça. Et ça serait bien d'avoir la même chose par rapport aux coopératives. Moi, je ne peux pas entrer plus dans les détails parce que je n'ai pas les informations précises. Mais ça va venir. Et ça représente des hommes ici, en France? Probablement, ouais. Ouais, parce qu'il y a toute la région sud-ouest, Toulouse, Pau, l'Ariège, etc. Et maintenant, sur Paris, ça fait 5 tonnes, donc oui, ça doit approcher des 10 tonnes. Hein. Et puis bon, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, la Suisse, c'est beaucoup, hein, en tout. Oui, c'est ce que... Ça fait une méchante. Ça fait des graphiques, comme vous. Tu n'as rien de faire ça. Mais je me suis pas mis dans la... Moi, je veux dans la graphique, je me donne les chiffres. J'ai l'air bien de faire ça. Oui, mais non, ce serait bien. Non, là, ce qu'ils ont dit, ils ne vont pas faire des graphiques, mais il y a une copine qui est artiste, peintre et tout ça, et elle a dit qu'elle allait faire des tableaux pour expliquer les enjeux. Mais c'est sur d'autres trucs, là. C'est sur les Montes Azules, parce que là, c'est toute une zone, c'est une réserve, biosphère et tout ça, et donc elle voulait expliquer par graphique et tableaux les enjeux qui se jouent là-bas. Mais ouais, ça serait bien qu'il fasse ça. Une question? Ou intervention? Intervention? Une affirmation? Oui. Bah, j'en ai encore une, mais hein. Bon, c'est évidemment, c'est un peu provocateur, mais peut-être ça va avancer un peu plus là. Quelle est la part du folklore et de la réalité? Le folklore, c'est les armes, c'est les foulards, c'est la montagne. Est-ce que là, on peut voir un peu, parce que bon, le folklore, c'est les AK-47. Ah ouais, c'est un folklore. Chacun son folklore. Mais non. Non, ils s'en servent pas, d'accord. Ils les ont. Les ont. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils ouais, s'en sont servis. Ils s'en servaient du mois de février 80. Alors, ça, c'est une anecdote, mais bon, je ne sais pas si elle est vraie. Mais ils disent que le 9 février 95, c'est offensive militaire. Il y en a un qui en parle là, dans le documentaire, pour essayer d'arrêter ce qu'ils considèrent comme la direction, le commandement zapatiste, Marcos entre autres. Et on dit que, alors, donc ils investissent, l'armée va investir, c'est le village où est localisé Marcos, il s'appelle Guadalupe Tepeyac, et à côté duquel ils ont construit le premier Aguascalientes. C'est dès le mois d'août 1994 pour accueillir plusieurs 3000 personnes, je crois, de la Convention nationale démocratique du Mexique. Donc en février, l'armée a comme objectif d'investir le village de Guadalupe Tepeyac et d'y arrêter ceux qui y sont. Bon. Et on dit qu'il y a une balle de tirée, juste au milieu du front du général qui commande le truc. Et ça les a bloqués pendant plusieurs heures, parce que bon, c'est l'armée fédérale, et il y a son commandant qui perd, je crois qu'il est, je ne sais plus s'il est général ou commandant, mais qui est tué tout de suite. Et donc les autres, ils sont bloqués, quoi. C'est ce qu'on fait, il n'y a plus de commandement, merde, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et ça a retardé l'avance des fédéraux de plusieurs heures, ce qui a permis aux attaquistes de partir. Et effectivement, ils n'ont pas été pris. Ils se sont tirés, quoi. Bon, ça c'est ce qu'on dit, donc en une balle, bon. Mais c'est peut-être. C'est logique de C'est peut-être un folk. Je sais pas. Il est mort le mec. Hein. Ah, oui, bah, bon, bon, hein, donc. C'est évident qu'ils ont. C'est évident qu'ils ont des armes. Combien. Bah, moi je l'ai dit. Mais combien. Quelle quantité. Plusieurs centaines, c'est clair. Est-ce qu'elles sont bien entretenues? Est-ce qu'il y a des munitions? Tu sais, c'est les frontières avec le Guatemala. Et le Guatemala, c'est 30 ou 40 ans de guerre civile. Hein. C'est, donc là, les en plus, t'as tout là-bas. T'as des narcotrafiquants. T'as des, et une bonne partie de leur arsenal, ils l'ont piqué aux gardes blanches, ça veut dire aux mercenaires des grands propriétaires. Alors les grands propriétaires entretiennent des gardes qui sont aussi des Indiens pauvres, etc., entre autres contre l'occupation des terres et tout ça. Et dans l'avancée à la fin de l'année, toute fin de l'année 93, dans l'avancée des zapatistes, ils ont bien repéré tous ces endroits-là, et ils les investissent et ils prennent le matériel, ils prennent les armes. En principe, ils y font attention à leur plan. Donc ils doivent avoir quand même de quoi inquiéter un peu. Bon, après, il y a une autre histoire, ça se passe, je crois, en 98, à Amador Hernández, ou à côté d'Amador Hernández, il y a un face-à-face qui a duré de 98, de l'été 98 jusqu'à la fin de l'année 2000, entre l'armée, enfin des soldats qui ont installé un campement et tout ça, et des Indiens. À côté d'Amador Hernández, j'ai oublié le nom du village, il n'est pas accueilli par des zapatistes en armes, mais il est accueilli par des Indiens avec leurs instruments de travail, donc machettes et tout ça, qui n'en peuvent plus, du harcèlement militaire. Et le général et les frères du ministre de la Défense nationale, il s'appelle Aguirre, je crois, et il est coupé, il n'est pas coupé en rondelles, il n'est pas mort, mais il a été sérieusement entaillé à la machette. Hein. Alors, tout ça, il y a aussi des choses, moi j'ai vu des films, c'est plus que du face-à-face, quoi, entre des soldats et des paysans et paysannes, il y a beaucoup de femmes à ce moment-là, qui les repoussent, qui les empêchent d'aller où ils veulent aller, de foutre les barbelés où ils veulent foutre les barbelés et tout ça, c'est assez impressionnant. Effectivement, la seule possibilité à ce moment-là pour les militaires, c'est de tirer. Et s'ils tirent, ça va faire un massacre. Et en plus, constitutionnellement, dans la Constitution, l'armée mexicaine, elle a pas, normalement, le fait, mais elle n'a pas le droit d'avoir des tâches de police. Il y a tout un tas de trucs. C'est pour ça qu'en 99, avec l'aide de Chirac et avec Chevènement comme ministre de l'Intérieur, a été créée au Mexique la police fédérale préventive, qui en fait c'est des militaires à qui ils ont sorti de l'armée et qu'ils ont foutu des tâches policières. Là, le premier boulot qu'ils ont fait, c'est en février 2000, donc ça doit être fin 98 en fait, ça a été créé. C'est en février 2000, ils ont pris l'université, l'UNAM, qui était occupée depuis presque un an par les étudiants en grève. Donc c'est le premier fait d'armes de cette police préventive, mais c'est des militaires. Et ça a été considéré comme une avancée démocratique, etc., la création d'une police démocratique, parce que tout tout le monde sait qu'au Mexique, tout est corrompu jusqu'à la moelle. Donc là, on vendait à l'Europe la création d'une police non corrompue, puisqu'on venait de la créer, et avec appui technique. Donc tu vas trouver des gendarmes français au Chiapas qui sont là pour animer des petits stages de formation à des équivalents gendarmes mexicains. Il y a une collaboration, ça a été signé avec Poste et Chevalier. C'est comme le CRS en 52, un procès. Mais bon, alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la part de folklore. Après, tu sais qu'il y a d'autres mouvements armés au Mexique hein, qui sont droit tendres non plus. Il y a l'EPR, qui est dans l'état du Guerrero, qui a lui-même éclaté en plusieurs autres. En ce moment, depuis quelques années, on ne parle plus trop d'eux, mais justement, en 97, 98, on a pas mal parlé. Il y a eu des affrontements militaires guerrilleros avec des morts des deux côtés. Je pense que les attaquistes peuvent dire qu'ils ont une certaine force, mais c'est vrai que la réalité de leur capacité d'opposition à des forces de répression, qu'elles soient policières ou militaires, c'est parce qu'ils mobilisent des milliers de personnes en un rien de temps. Je crois que c'est encore 98, San Andrés, commune autonome, est investi par 400 policiers de Seguridad Pública, sécurité publique, armée, qui remettent officiellement en place, on leur rend les locaux municipaux, etc., à la municipalité élue, légale, ça dure 24 heures. C'est-à-dire les 400 policiers armés, ils tiennent 24 heures. Le lendemain, au petit matin, c'est au mois d'avril, le lendemain au petit matin, il y a 3000 descendent de toute la montagne sur San Andrés, ils réoccupent San Andrés et les 400 policiers s'en vont. Ça vaut mieux pour eux. Et sinon, ou alors ils vont tirer. Mais moi, la nuit le petit matin du 31 décembre 2000, juste la veille du 1er janvier 2001, il y a un campement militaire à côté de l'optique qui a été investi à 5h, en pleine nuit, il était 5-6h du matin, par, pareil, je ne sais pas, 1000-2000 hommes, femmes. Il y avait y compris d'ailleurs c'était filmé, hein, pour ça que j'en parle, il y avait y compris des internationaux, il y avait un copain danseur français qui était là, qui était dans le truc. Et moi, je l'ai retrouvé le soir à Oventic, à la fête, le 1er janvier et tout ça. Il me dit, tu sais, ce matin, on a occupé le campement militaire à côté. Ah bon ? Et ouais, il l'avait occupé. Et ça a été filmé avec les petites caméras digitales, les petits trucs que beaucoup de monde a maintenant, caméscope digital. Et tu vois, les militaires, ils reculent. Après, à un moment, soit ils tirent, soit ils disent non, écoutez, arrêtez, et ils négocient. Et après, ils ont négocié, ils ont dit bon, maintenant, arrêtez-vous là, on vous promet, on se barre, on laisse le campement. Et après, tu vois les camions militaires qui partent. Et effectivement, ils ont dégagé le campement, ils sont partis, mais comme ça, ils laissent plein d'affaires et tout, après c'est complètement pillé et tout ça, et ils se barrent. Il y a une capacité. Quand tu vois, moi je l'ai vu le 12 janvier, et ça s'est reproduit le 1er janvier 2003, quand tu vois autour de 20 000 zapatistes masqués, cagoulés, avec sans flingue, mais avec bâton et machette et flambeau, parce que c'était l'ami qui avait investi ce San Cristobal. Il y a des militaires à San Cristobal, mais d'un seul coup, ils disparaissent. Hein. Donc le folklore, pouvoir, c'est un rapport de force. Mais il est réel. Et c'est évident que le mouvement se développe. C'est évident. Bon, après, l'actuel pouvoir, ce que je disais au début, le gouverneur en place, là, il a encore à peu près 2 ans à faire. Ils sont sur 6 ans. Ils essayent de ménager le truc, quoi. Visiblement, il y a un accord non écrit pour pas se marcher sur les pieds, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs, il y a des assassinats de la latiniste, saltiniste, c'est ça. Hein. Et puis, il n'y a pas que le Chiapas. Il y a Oaxaca, là aussi, il y a des mouvements indiens, il y a des prisonniers, il y a un copain, Carlos Manso, qui est de la Potec, Oaxaca, qui a été 10 mois en prison. En décembre, pas décembre dernier, mais non, quoi. Et il est venu, je crois, ici. Et bon, il y a une répression, le pouvoir laisse pas les Indiens s'organiser comme ils veulent, parce que c'est une dynamique qui va gagner dans d'autres secteurs de la société mexicaine. Ils sont pas indigénistes, ils ne disent pas qu'une fois qu'ils auront résolu la question indienne, ils auront fini, et ils vont ranger leurs trucs et vivre leur petit plan, pas du tout. Un des plans qu'ils ont dit au moment de la création des 5 conseils d'autogouvernement, ça veut répondre au plan Puebla Panama, qui est le plan gouvernement de Fox, de développement, avec un plan nord-américain, de développement de la zone du sud du Mexique, de Puebla, jusqu'au canal de Panama, avec Maquiladoras, etc. En fait, ça se casse la gueule parce que Maquiladoras, elle part tout en Chine. Mais donc la réponse de Baptiste, qui est une réponse de type manifeste, ça a été le plan La Realidad, donc c'est la pointe sud, presque à la frontière guatémaltèque, Tijuana, donc pratiquement c'est la frontière avec les États-Unis. Donc le plan La Realidad Tijuana, il développe des accords qui concernent des accords entre organisations sociales sur la base de l'autonomie de ces organisations sociales et sur la base du développement de ce qu'il appelle l'autogestion. Actuellement, premièrement, c'est évident que le mouvement se renforce et se développe. C'est matériellement palpable. Par ailleurs, son évolution, elle ne va pas dans le sens d'une institutionnalisation, dans le jeu politique, d'une entrée dans le jeu politique, etc. Tout le contraire. Dire plus, quoi. C'est évident que à travers dans les collectifs, comités de solidarité, l'aspect de critique et de discussion sur la réalité de ce mouvement, il existe heureusement. Et on n'est pas yeux fermés devant cette organisation. Mais, en tout cas, moi je cherche ailleurs dans le monde où il y a une prise en main comme ça de son propre sort avec transformation, en commençant par ce qui est évidemment transformable, c'est-à-dire les conditions qui dépendent de nous, entre justement le rôle des femmes, c'est la première chose qu'ils font. Et les premières transformations, c'est sur eux-mêmes qu'ils les font, c'est sur leur propre communauté, leur propre société. Ouais. C'est ici, maintenant, et non pas l'avenir à Dieu. Ouais. Et ça, moi, je veux bien le trouver ailleurs, hein, mais je ne trouve pas beaucoup. Hein, est-ce qu'il y a une résonance sur les autres communautés indiennes d'Amérique? Ouais. États-Unis, ouais. Bon, alors, États-Unis. Amérique du Nord, c'est bon, il y a les moi j'ai toujours vu les Mohawks, Canada qui venait, hein, jusque là-bas, jusqu'à la Realidad et tout ça, on les rencontre, hein, les Indiens d'Amérique du Nord. Alors là, la question du folklore, par contre, quand tu commences à avoir toutes les plumes et tout, bon, d'accord. Mais ça, oui. Mais en revanche, le mouvement, tu as raison de parler de l'Amérique latine, le mouvement indigène dont on sait qu'il se développe, qui devient de plus en plus important dans ses conséquences, qui fait tomber les gouvernements, on l'a vu en Bolivie, on l'a vu en Équateur. Oui, bien sûr que la référence à ce qui se passe au Chiapas, elle est présente. Ça ne veut pas dire qu'ils vont créer des armées zapatistes, ils ne s'organisent pas de la même façon, c'est évident, mais ils connaissent. Moi, j'ai rencontré il y a un mois et demi, trois Indiens, ils s'appellent Kila Kila, leur langue c'est le Quechua, ils sont boliviens, ils sont de la région de Sucre, c'était des autorités, ça s'appelle Elus, c'est le nom des autorités qui se donnent. Ils ne parlaient pas espagnol, il y en a qu'un sur les trois qui parlait espagnol. Les deux autres, ils leur traduisaient en quechua. Ils étaient à Paris, ils ont fait un tour en Europe, ils ont été invités dans le cadre d'un programme d'agriculture de montagne de l'INRA. Et ils étaient avec un agronome de l'INRA, Jean Bourdieu, il s'appelle, un petit bonhomme fort sympathique. Et donc on les a rencontrés, nous, le comité, on était deux ou trois du comité de solidarité de Chiapas, et eux, le surlendemain, ils reprenaient l'avion pour la Bolivie. Et ils se sont déclarés autonomes. Pourquoi ? Pas pour faire comme les zapatistes, mais parce qu'ils sont en bataille, y compris en procès et tout ça, contre une société qui s'appelle Francesa. C'est pas Francesa, au début je comprenais Francesa, je me dis, tiens, c'est bizarre. Mais non, ça s'appelle Francesa, c'est une grosse société de ciment qui fout des trucs partout dans leur région, qui creuse qui couvre des mines et des trucs comme ça, et eux ils sont en lutte contre ça. Alors, ils n'ont pas pris les armes, mais ils sont passés par les procès en cours et tout ça. Et là, leur truc, ça a été de rompre avec le gouvernement bolivien, puisque le gouvernement bolivien, protège les intérêts de cette société et n'assume pas du tout la situation de leur peuple, au pluriel. Eh bien, ils connaissaient l'histoire. Pas bien, tu vois, peut-être moins bien qu'ici, mais ils connaissaient, quand on parlait des apathies du Chiapas, ils connaissaient. Et ce qu'on s'est dit, parce qu'un des trucs que font les apathies, c'est de, en général, à chaque fois qu'ils peuvent produire un truc par eux-mêmes, ils ne se gênent pas pour le faire. Ça aussi, c'est pas très courant. Et là, c'était une vidéo faite par un cinéaste belge, mais maintenant, ils ont dans chacun des caracoles, ils ont créé des ateliers vidéo. Ils ont du matériel vidéo, ils ont appris à s'en servir, et ils filment eux-mêmes, et ils réalisent des documentaires. Et donc, bon, en espagnol, il y a des parties dans des langues indiennes, mais c'est toujours compréhensible en espagnol, ne serait-ce que pour qu'ils puissent le comprendre entre Torrelavat, Cetal, Tzotzil, etc. Et donc, là, je leur ai proposé au Quechua, si vous avez du matos pour regarder les vidéos et si ça les intéresse, ils peuvent avoir ça, ils ont dit oui. Donc ça va circuler, il va y avoir des vidéos tournées par des Indiens zapatistes, je sais pas, genre le potager de Zapata, pourquoi il faut faire rompre avec uniquement cultiver du maïs et tout ça, et créer des potagers et tout, ils font ce genre de choses, ils le filment, ils l'expliquent, ils le font aussi sur l'éducation, sur la coopérative de café. Il y a aussi tout ça. Et ce genre de documents filmés par eux et montés par eux, avec éventuellement de l'aide. Hein. Il y a une petite association qui s'appelle Promedios qui a aidé à mettre tout ça en place. Et ça peut partir jusque dans les montagnes boliviennes pour voir comment ils font. Et bon, et la chose la plus intéressante, le contact le plus intéressant, il n'est pas avec des mouvements indiens d'Amérique latine, il est avec le mouvement Piqueteros, si c'est un genre de cause de ça. C'est un mouvement de chômeurs en Argentine. Bon. Et Argentine, et là, il y a eu plusieurs délégations de chômeurs qui tiennent des quartiers entiers, non, eux aussi, qui ont redémarré des entreprises. Et il y a un bouquin publié par la CNT là, qui vient d'être à Ouzibeki, qui lui est uruguayen, qui connaît bien l'histoire des apatistes. Et donc, je peux voir toute cette histoire là, des Piqueteros, c'est un des derniers bouquins traduits et publiés par la CNT. Et donc, il y a des délégations de Piqueteros, c'est des urbains, hein, c'est Buenos Aires et tout ça, d'Argentine, qui viennent jusqu'à la Realidad, au Chiapas, et qui racontent, et tu trouves ça sur Internet, c'est parmi les témoignages les plus intéressants sur les attaques. C'est fait par d'autres secteurs en lutte ouvriers, urbains, par exemple d'Argentine. Ça. Donc ouais, il y a ce, ça existe. Tu dis rien. Ça a l'air calme d'un seul coup. Ouais, bon, je vais juste dire qu'il y a mis à part ça c'est le bouquin publié par la Somniac, là, mais c'est Arthur qui aurait pu en parler. C'est un ensemble hein, de documents, mais il est vraiment bien. Le bouquin sur toute l'histoire des apatistes, j'en ai parlé. Il y en a d'autres, ça s'appelle L'étincelle apatiste, mais là j'ai mon exemplaire. Ça doit sortir en poche. Ça a été écrit par un historien français qui vit la moitié de l'année à Saint-Cristobal. Il est spécialiste d'histoire médiévale, médiéviste. Et il était jeune, il a à peine 40 ans. Mais comme il s'est installé là-bas, il donne des cours sur l'histoire du Moyen-Âge pour les étudiants de Chiapas. Il a écrit cet essai sur les apatistes. Et c'est hyper intéressant. C'est vraiment une des réflexions les plus intéressantes. Ça va sortir ce genre en folio dans le cours de l'année 2005. Et il ne faut pas oublier Tambreven. Mais il n'y en a pas ici. C'est incroyable. Il y en a pas, mais alors au Moyen-Âge, même si ce n'est pas forcément l'image de Tambreven, une inscription. Le Moyen-Âge n'était pas sans publicité, c'est arrêté. Du cinéma en Europe, des communautés des hommes de se réaliser, ça existait. Dans certains cas, ça finissait par tout du mal, c'est pas surpris. Hein. Il y a eu du reste aussi un peu plus tard, c'est le siècle, des gens qui ont été jusqu'au bout des idées de Luther, maintenant sa terre n'était pas du tout content, et qui ont fondé des communautés consécutives. Libertaire et chrétienne en même temps, c'est des ordres, hein, c'est très mal terminé, mais des avoués, alors par tout le monde, les protestants ont été évidemment, mais c'est vrai que c'est pas étonnant non plus qu'un spécialiste du Moyen-Âge, il capte certaines choses de ce qui se passe en ce moment là-bas. On trouve au Chiapas un village qui s'appelle Thomas Munzer. Ah oui, oui. Mais c'est pas un village zapatiste en plus. Ah oui, il s'appelle Thomas Munzer. Et c'est vrai que moi, dans cette histoire d'organisation militaire et paysanne en même temps, ça m'a fait penser, mais bon, je pense que je ne suis pas le seul, mais au XVIIe siècle en Angleterre. Les diggers, et c'était une armée, hein. Ça s'appelait l'armée nouvelle, et elle est présentée dans le bouquin qui s'appelait Le monde à l'envers, je crois, sur tous ces mouvements paysans du XVIIe siècle, britannique et anglais. L'armée nouvelle, elle est présentée comme une école de démocratie qui dure pas très longtemps, quelques années, mais c'est assez curieux quand même. Ouais, c'est vrai. tout à l'heure qu'il y avait une inspiration guevariste à l'origine. Oui. Comment expliques-tu que justement ça perdure alors qu'il y a eu un matraquage continuel des États-Unis avec les gouvernements locaux, que ce soit au Salvador, que ce soit au Nicaragua, que ce soit à la Grenade, partout dans le secteur. Comment ça, que ça perd? Ouais, non, mais le Tché, c'est un mythe pas possible. C'est quasi religieux comme image. Tu vois ça sur tous les t-shirts. C'est juste l'image, c'est pas au Mexique, tu vois. Tu commences à voir beaucoup Maria Sabina aussi. Ça, c'était une spécialiste des champignons. Mais je te dis pas quel champignon, mais bon. C'est pas les cèpes. Mais. Ils sont rouges, elle est pas là. Mais bon, non, mais. Bon, ok, bah, ça relève de la mythologie. Il y a ça chez les apatistes comme chez les lycéens. Mais. Bon, après, la conception politique, ouais, je pourrais te lire, la question leur a été posée, en tout cas elle a été posée à Marcos. Bon, il dit qu'ils prennent ce qu'il y a de mieux chez Guevara, sa meilleure période, c'est-à-dire celle où il quitte le pouvoir. Et celle où il n'y est pas encore. Ouais, ouais, que pour eux, c'est le symbole que Guevara, c'est un symbole de rébellion, et que c'est Guevara qui quitte le pouvoir et qui s'en va monter une guérilla en Bolivie, justement, ça se termine assez mal. C'est à ça qu'ils font référence. Bon, après, c'est vrai que tu vois la tête de Guevara peinte, mais c'est toujours la même gueule, hein, la même que sur les t-shirts. Tu vois sa peinte partout, à côté de en général, à côté de celle de Zapata. Bon, moi, c'est pas ma tête de Guevara du tout, mais bon, bon doute. Ça y est tombé. La réponse de Marcos là-dessus, elle est assez. Il me sentir bien. Une partie de l'histoire, mais je ne sais pas tout. Non, mais du point de vue des États-Unis, qui sont interventionnistes, comme tu sais, un peu partout. Ouais. Donc ils considèrent que c'est pas. Ils sont interventionnistes parmi. Les États-Unis, normalement, il n'y a pas en Colombie. Mais, ils n'ont toujours pas envoyé massivement les GIS. Ils sont déjà dans la merde en Irak. Je ne sais pas qui c'est qui pensait qu'ils allaient. Maintenant, ils visaient l'Iran, mais à mon avis, c'est 70 millions d'habitants d'Iran. Et la Colombie, c'est un guépier aussi, avant qu'ils mettent. Sous Clinton, même si tu veux, l'administration Clinton, elle avait tendance à gronder le régime mexicain PRI, là, genre non, c'est pas bien, les droits de l'homme, il faudra faire attention quand même, et tout ça, quoi. Bon, depuis qu'il y a eu Fox, c'est considéré comme. Ça y est, c'est démocratique, donc il est copain comme tout avec Bush, sauf qu'ils ont le passif des sans-papiers. Donc ça, c'est un problème entre les États-Unis et le Mexique, c'est ça, c'est les sans-papiers. Ils sont assez astucieux, les apatistes, ils ont toujours su pas prêter le flanc aux accusations de terroristes, ils ne le sont pas, c'est évident. Quand il y a une administration anti-drogue états-unienne qui a dénoncé le ZLN comme des narco-terroristes installés au Chiapas, celui qui a dit non, c'est faux, c'est le ministre des Affaires étrangères mexicain. Il a dit non, attendez, vous ne connaissez pas, c'est pas vrai, vous ne pouvez pas dire ça, ça. Et, il était quand même ministre des Affaires étrangères, ça, bon, de Fox, hein, évidemment. Donc, et le bon, après, le, je crois que la tête du Tché, c'est une marchandise, hein, tu as pu te trimballer avec des t-shirts de Barra partout à New York, ça se vend. Hein, donc, je crois que c'est pas trop le problème, quoi. Ils sont assez astucieux, quoi, par rapport à Cuba, tu vois. Leur position sur Cuba, grosso modo, ils disent qu'ils soutiennent le peuple cubain. Voilà. Mais ils ne se prononcent pas sur le régime, et si vraiment on les embête et qu'on leur pose la question, on reconnaît que non, de toute façon, c'est un régime de parti, et tout ça, que c'est. Et que. Et si on leur dit, mais est-ce que c'est ça que vous voulez mettre en place, ils disent, vous n'avez pas compris, nous, on ne veut pas prendre le pouvoir. On n'est pas un parti, et on n'a pas comme objectif de gouverner le Mexique. On voudrait que le Mexique se gouverne par lui-même à travers ses peuples, ses communautés, ses quartiers, ses organisations, ses sociales, et tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ce qu'ils disent. Oui. On peut mettre en doute, oui. Les considérer comme des élites. En tout cas, au fur et à mesure que leur mouvement se développe, ils voient qui est avec eux, qui s'oppose à leur mouvement. Et la rupture la plus nette et la plus importante depuis le printemps 2001, c'est avec la gauche. Jusqu'à de 94 de leur apparition jusqu'au début de l'année 2001, il y a une sorte de tu vois, ils accueillent Cuauhtémoc Cárdenas au Chiapas et tout ça. Il y a un chemin un peu pas bras dessus bras dessous, mais et là maintenant c'est fini. On ne va pas leur faire. Ils participent pas évidemment pas aux élections. Ils les empêchent pas. Les personnalités européennes qui sont allées là-bas comme un différent, ouais. C'est un peu d'histoire ancienne. Le dernier grand out spectaculaire, c'est quand même 2001. C'est pas si ancien que ça. Ça fera 4 ans, quoi. T'aurais dû ajouter José Bové qui échange sa pipe, et tout ça. Mais. Bon, la mère Mitterrand, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Gaga, c'est pas possible. Enfin, je l'ai déjà vu, comme je te vois, tu vois, ça n'y a rien à comprendre, en fait. Mais y a eu ça. Régis Debray, il n'en parle plus depuis très longtemps. Daniel, je crois qu'elle a d'autres chats à fouetter maintenant. Elle s'est beaucoup dépensée pour une cure. Autre. Beauvais, bon, je crois que c'est bon. Mais depuis qu'ils ont, justement, à partir d'avril, de la fin avril, disons, du mois de mai 2001, et où il y a cette rupture avec ce qu'ils appellent la classe politique, les mêmes personnalités, y compris, il y en a d'autres, hein, il y a Alain Touraine, par exemple, justement. Les mêmes personnages à la Touraine, Daniel Mitterrand, et, évidemment Régis Debray et tout ça, ne disent plus rien sur ce mouvement. Parce que comment ils vont se mettre à défendre, à expliquer ça, l'autogouvernement, c'est quand même. Moi je veux bien que Daniel Mitterrand propose l'autogouvernement. écoute, je veux bien. Peut-être qu'elle va dire elle a les faces, ça continue. Non mais attends, je vais faire un peu ce que je veux dire. bon, le, après, c'est vrai, ça, c'est lui, le Bachet, le médiéviste, il en parle assez bien. Moi, je l'ai rencontré parce qu'il avait justement écrit une tribune dans Le Monde pendant la rencontre intercontinentale qui s'appelait Médiatique sous commandant Marcos. Et quand on est revenu de là-bas, c'est à peu près une des seules choses intelligentes que j'avais vues dans la presse française, qui avait fait des tas de trucs, un tartinet sur les branchés de la jungle, la lune de libération et tout ça. Et ça parlait de la télé et tout ça. Donc le côté médiatique, la façon dont les médias se sont emparés de la figure de Marcos et tout ça, c'est évident. On a dit, ça, à la fois c'était une protection et c'est une arme, un truc à double tranchant, c'est clair. Moi, c'est pour ça que là, dans ce que j'ai écrit dans mon libertaire, j'ai commencé en disant qu'il avait fallu 10 ans, malgré cette médiatisation à certains moments, il avait fallu 10 ans pour que le monde découvre la réalité de ce mouvement. C'est-à-dire que quand même pendant 10 ans, les correspondants du Monde au Mexique, de Lagrange en Abélard, écrivaient des trucs vraiment dégueulasses, mensongers, dégueulasses et tout ça. Et là, il y a un petit journaliste qui s'est mis à faire un reportage honnête, sans plus, mais honnête, quoi. Il a fallu 10 ans. Et en plus, après, on m'a expliqué que le mec, il est un peu en exil, entre guillemets, hein, à Saint-Domingue, et puis on lui a dit, bon, vas-y, tu peux faire ça. Il va vite, c'est pas lui qui va rester en place sur le Mexique. Mais, les personnalités, oui. Moi, je crois, effectivement, parmi ceux qui soutiennent ce mouvement, propagateur, il y a une façon de le présenter à travers le personnage de Marcos et tout, qui n'est pas ce que nous on voit, au contraire. Mais c'est vrai que quand tu vois Ramonet et le Monde Diplo qui, dans son numéro de mars 2001, écrit Marcos marche sur Mexico, c'était le gros titre, tu te dis c'est quoi, qu'est-ce qu'il a compris. Ok, il faut aussi se méfier de ceux qui apparaissent comme des amis. Il y a certains amis des apatistes qui leur portent toi. Ah ouais, c'est très demandé ce soir. Non, justement, à propos de Marcos, ce titre de sous-commandant, est-ce que c'est par dérision ou est-ce que ça correspond à un grade mexicain? Non, il n'y a pas de cas. Non, ça n'existe pas dans l'armée. Ah oui, parce qu'en France, Non, le Mexique non plus. Ouais, c'est à la fois d'humour et... ce qui a été dit, tu sais que... Toujours pareil, la marche, là, de 2001, ils ont pourtant pris tour à tour la parole. Plusieurs occasions chaque jour de parler, et on a entendu Esther, on a entendu ses vidéos, David, etc. Les quatre femmes. La base comme commandant, lui comme sous-commandant. Ouais, et au Parlement, qui était la tribune la plus haute qui leur a été prêtée, tout le monde attendait Marcos, il n'était pas allé. Et donc celle qui a parlé, donc, c'est une femme. C'est Esther, et elle dit que s'il était sous-commandant, c'est parce qu'il avait une autorité militaire, mais que cette autorité militaire était sous le contrôle et l'autorité civile, et le titre de commandant qu'ils ont, commandant Esther, commandant David, etc., c'est pas le titre militaire. D'accord. Du tout. C'est David, Esther et tout ça, ils n'ont pas de flingue, on le voit tout le temps dans le film. Ce titre-là, c'est commandant, c'est une autorité civile dans l'organisation, ce qui est la plus haute instance, c'est-à-dire ce qu'ils appellent comité clandestin révolutionnaire indien, commandement général de l'armée zapatiste. Et c'est cette instance-là, c'est une instance civile. Ils sont une chier là-dedans. Hein. Je crois qu'ils sont entre 70 et 80. Et hommes et femmes. Et c'est cette instance-là, c'est elle qui prend les décisions. Est-ce qu'on va faire une action militaire ou pas, est-ce qu'on va se replier, est-ce qu'on va occuper, et tout ça. C'est cette instance-là qui, après, ça prend des mois, discussion dans les assemblées, dans les communautés, ça remonte jusque-là, et là, il décide, et Marcos, il est sous commandement parce qu'il doit obéir au commandant. Au pluriel. Et ceux qui ont des tâches militaires, ça existe, on envoie Anna Maria, celle qui me dit... Bienvenido, c'est de la montagne, c'est de l'Ouest, c'est de Mercano, etc. La nuit, là, elle a effectivement une tâche militaire. Elle a eu une tâche très importante. Elle a eu la responsabilité de l'occupation de la ville de Saint-Cristobal dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1994. Et Anna Maria est major. Alors là, dans leur petit truc là, de hiérarchie et tout ça, elle a le titre de major, elle n'est pas commandante. Et elle a un rôle militaire. Donc, c'est vrai. Donc le sous chez Marcos, et il y en avait un autre, hein, ce qu'ils expliquent là au début, c'est qu'ils avaient deux sous-commandants, c'est-à-dire ils avaient deux responsables de l'organisation armée, Marcos et un deuxième qui a été tué le premier jour. Donc il y a tout un tas d'hommages à cet autre sous-commandant, Pedro, je crois. Donc, qui était aussi un métis, et qui venait de Michoacán. Si bien qu'il y a un de leur village, une de leurs communes autonomes, qu'ils ont appelé San Pedro de Michoacán. Et tu te dis, putain, c'est qui ce mec-là? C'est qui ce Saint-Pierre de Michoacán? Personne n'a jamais entendu. Mais en fait, c'est pas du tout un saint. C'est le sous-commandant Pedro, qui venait du Michoacán. Donc, ils ont appelé le truc San Pedro de Michoacán. Ils ont inventé ça. Après qu'il soit tué, quand même, le flingue à l'âme. Ouais, ils ont donné le nombre exact des morts. Il y a eu un communiqué en 2003, je crois, où ils donnent les noms de tous leurs morts en 1994. Et effectivement, le nombre pour les zapatistes. Hein, t'as plein de. Attends, on pense que surtout à Ocosingo, le 2 janvier. Il y a plusieurs centaines de victimes, 200, 300, 400, c'est difficile à dire. Mais la plupart sont des Indiens qui ont été massacrés par, y compris, il y a des photos, les mains dans le dos et les balles dans la nuque, les mains attachées dans le dos et les balles dans la nuque, donc tués par les fédéraux, mais ce n'étaient pas des zapatistes. Ils se sont mis à tuer tout ce qui était indien. Au Cosingo. Mais les morts zapatistes, ils ont dressé la liste exacte, il y en a moins d'une centaine. Et après, il y a des assassinats. Il y a eu plusieurs assassinats. Il y a les massacres aussi. Bon, il y a l'exemple d'Actea, c'est pas des zapatistes qui ont été massacrés à Actea, c'est en général pour la plupart des femmes et des enfants qui appartenaient à une organisation qui s'appelle les Abeilles, les Abejas. C'est une organisation qui est en accord avec les objectifs des zapatistes, mais pas les moyens, car ils ne sont pas armés et ils sont chrétiens. Ils sont cathos, mais ils se réclament de l'évêque là, qui n'est plus en place d'ailleurs. Et c'est les Abeilles qui ont été massacrés à Actea et pas des zapatistes. Et, mais bon, après, il y a comme ça quelques dizaines de je ne sais pas quelle quantité ça fait, mais ils ont eu des pertes, surtout en 97-98, par des assassinats. Il y a eu carrément des vengeances de militaires qui ont tué, qui ont exécuté des paysans, parce qu'ils savaient qu'ils étaient zapatistes. Ça, c'est une de la complète intérieure. suis. Oui, non, c'est-à-dire là, il s'est passé quelque chose, c'est que les mercenaires des propriétaires terriens qui s'appelaient Guardias Blancas, petit à petit, ça devient les paramilitaires. Et les paramilitaires, ils existent toujours. Et là, il y a des trucs, il y a des aspects religieux qui vont se résoudre. Souvent, c'est des villages protestants. À un moment, il y avait l'organisation paramilitaire la plus connue, la plus développée, elle s'appelait, je crois qu'elle existe encore, Pace y Justicia, Paix et Justice, c'est gentil pour les paramilitaires. Et c'était de la même ethnie, de la même langue, Chol, la même région, bien sûr, la zone nord du Chiapas, pas loin de Palenque, qui est un lieu assez connu, les pyramides et tout ça, et protestants. Bon, je ne sais pas de quelle audience. Hein. Oui, probablement. Ouais. Et le gouverneur actuel, là, qui a été présenté par les partis contre le PRI, il est protestant aussi. Quand j'étais allé écrire le docteur il y a longtemps, il y a partie ce qui m'avait frappé, c'est que les églises portaient des noms de saints, mais il y avait Santa quelque chose, il y avait un nom espagnol, il y avait un nom indien qui suivait, avec un frère qui a trouvé qu'il y avait une correspondance entre tel saint et telle divinité ou personnage important dans la religion du lieu, et il y avait une espèce de syncrétisme qui s'est fait. C'est bien, parce que bon, ça, c'est une manière dont on devrait aussi expliquer qu'il y avait un certain nombre de choses qui tenaient pas le coup, ils finissaient par laisser les Indiens organiser eux-mêmes, bon, la religion chrétienne en groupe, comme ils l'entendaient, parce qu'ils n'arrivaient pas de toute façon à s'imposer, à imposer un rite orthodoxe. Une des organisations les plus fortes au Chiapas, un des réseaux les plus forts indigènes, ça s'appelle Campiche, et c'est la coordination des médecins et sages-femmes traditionnels du Chiapas, indigènes traditionnels du Chiapas. Et donc, à travers la médecine indienne, là il y a par rapport à la religion, c'est chaman quoi, c'est chamanique. Hein, bon, et ça, et ils sont organisés, je veux dire, ça va loin parce qu'ils sont, organisés et ils sont en lutte contre le brevetage du vivant, c'est-à-dire contre les compagnies qui arrivent. Je ne sais pas, dans la selva, la Candona, etc., et qui essaient de voir les plantes qu'ils utilisent, qu'ils en font, et tout ça. Là, il y a un truc, il y a un enjeu économique hyper important, et c'est des médecins traditionnels et des sages-femmes indiennes qui dénoncent ça et qui luttent contre. J'ai retourné la cassette parce que c'est nécessaire. Il est 6h30, on peut faire une pause, là, peut-être. On peut continuer en couloir. Je prendrais bien un petit café. Bah, je viens de se réchauffer, apparemment pas vite, puis on va essayer de faire une salaire. On va en faire chauffer un. Je vais te dire, Alors, je te dois des sous. Attends, j'espère en tout cas. Ouais. Ça t'embête pas? Non, non, je comprends. Je vais un chèque, ouais. Je peux même te dire alors. Non, c'est vachement bien. C'est vraiment. C'est un chouette mec. C'est devenu un ami, mais c'est trop bien. Il n'y a pas de solution. Pour aller sur le Je passe deux jours samedi avec les clients. Le seul avantage, c'est que la feuille que je t'ai donnée, c'est par le fait qu'on a reçu. Mais il faut toujours regarder, voilà. Parce que je retrouve le petit papier où j'avais noté qu'on a ouvert, je peux aussi peut-être te faire. Je pense que vendredi ou plus tard, je vais tout finir pour que la personne et à ce moment-là, je ne serai pas là. Si je comme parce que la première, si ça marche bien, le pire, c'est que souvent, toutes les années, Mais j'ai eu, on est en contact par. D'accord. Et en avril, je vais circuler parce que je fais la réalité. Non, alors, tu vois, je vais rester moi. Bon, est-ce que tu t'images ou pas alors? Tu manges ce soir? Je ne sais pas. Ce soir, est-ce que tu manges? Et vous êtes. Je vais parler avec eux un peu si. Marqué. On va partir en courant là. Manger. Quelle heure il est? On va manger dans un même temps. 3 quarts d'heure. 8 heures. Ah donc t'as le temps de faire. Pense qu'on sache. Moi je reviens, je vais aller pisser. C'est bon. Hein. Là, il y a le café qui se prépare. Ah oui, je vais aller. Bon mais écoute, on a le temps. Pour l'instant, c'est ça. Moi je suis dans un collectif. J'ai pas vu dans le Yeah. si j'en parle, après j'ai une source qui est con, c'est un peu ça. J'avais envie de réunir les gens, c'est eux qui sont en relation avec l'Amérique du Sud, avec la Tine. Hein. Donc le Chiapas, d'aborder, essayer de créer un truc une réunion, mais politique à intense, et est-ce que des gens de Marseille, des gens de des gens politiques, des gens qui étaient au Chiapas, des gens de Marseille au Chiapas. Sur différents points de questions de la politique latino de la et a priori quand même plus, effectivement beaucoup, mais plus quand même résistant, enfin, c'est-à-dire que d'aborder ce qui se passe en Amérique latine, ce qui se passe, ce qui se passe sur différents points, ce qui se passe au Chiapas, la confrontation au libéralisme, au néolibéralisme, des expériences de démocratie participative, donc ça c'est autre chose. Oui, non, mais de toute façon, c'est un truc qui nous arrive, parce qu'on y a déjà pensé. Surtout quand on a fait déjà des réunions, des conférences, on a invité des copains pour reparler, comme Carlo Manso, ou Dorian. Oui, mais là, je suis juste. Tu as vu qu'il y avait pas mal de. Il y avait aussi des gens de divers groupes, de quelques groupes d'Amérique du Latine, on va dire. Il y a, des individus d'origine Ah ouais, non, mais je construis, ouais, il faut qu'on soit au sujet parce que c'est la relation de organiser ça à Marseille. Qu'est-ce que ça veut dire? La thématique, je pense que j'ai plusieurs thématiques. C'est-à-dire, l'idée c'est ça, c'est la même chose que j'en parle, mais c'est pas la première chose que j'ai les thématiques, elles sont là. Les thématiques, c'est celles qu'on retrouve d'ailleurs dans les réunions. Il y a des réunions qui sont pas trop marquées, donc ça prend, La thématique, c'est le problème de la démocratie en Amérique du Sud. À partir du moment où on s'en parle en Europe, c'est une interaction, effectivement, on recherche, parce qu'on en fait, il y a le temps de parler. Mais ce serait d'éclairer dans un éclairage des expériences qui sont faites en Amérique latine, des expériences traduites en Amérique latine. Et je pense à un travail de forte construction. Énormément de choses. Alors je sais quand il y a des gens qui ont un site qui peut être ici. Non, mais par exemple, on m'a dit la démocratie, moi, quand j'en envoie la démocratie, pour moi, ça me porte ouverte une garantie. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais ça se confronte. Boucher aussi pour la démocratie. Voilà, donc oui, mais. Ouais. Donc, c'est bien qu'il faut faire un peu attention. Mais il y a des questions, il y a des expériences de démocratie, de budget participatif au Brésil. Ici, je crois, pour Tolède, enfin, ça a été fait globalement. Ça, c'est un point précis. Il y a. Une question de. Alors, après, il y a des questions complexes, questions de résistance, de. Il y a la lutte armée, il y a le fait qu'il y a quand les partis sont dans l'état armé et qu'ils cherchent à se légitimer, à se proposer des élections, de se prendre à risque de sang. Il y a le rapport au libéralisme, et donc c'est le rapport de l'élogieux qui fait de l'économie. Le rapport de la construction des systèmes démocratiques, tant qu'on y croit, évidemment, à la démocratie, au libéralisme marqué, fait que, apparemment, le public, les affaires publiques, les affaires démocratiques. Bon, j'ai pris les cafés, là. Ouais, même les Trotskistes, ils sont... Il sait pas ce qu'il a ou ce qu'il a. Burkina Faso. Alors, quand on passe avec son roi, oui, de toute façon, il a passé tout à l'heure, il a un peu. Et ça, c'est les deux qui ont été vendus. De ça ? Oui, d'accord. Donc ça s'arrête pour un figure. C'est un bouquin. Il y a deux bouquins.